Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à Mananus. Les cons entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Je ne bouge plus. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro original. On enlève tous nos casques d'un coup. Parce qu'on a un putain d'écho sur le retour. C'est ça. Alors, on est en session un petit peu exceptionnelle. Donc, nous avons un invité qui est Noé. Salut. Et on a un mec qui est venu l'accompagner, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Péremptoire. Bonsoir. Ça va ? Pas trop traumatisé de ce début de session ? Non, surtout le bus d'avant-hier qui m'a fait chier, mais... C'est loin derrière, maintenant. Et c'est demain. Donc on est encore parti pour une session d'enregistrement un petit peu sur la guérité. Je sais pas si c'est un vrai mot, mais voilà, on va être bien, mais un petit peu. Donc on est en mois de décembre, et au début du mois, il y a une personne qui nous a quittés. Malheureusement, une grande personne, plus ou moins connue, mais qui était lui par contre, enfin plus ou moins connue de nous, mais qui lui était peut-être plus connu. Ah oui. Je vais vous poser une question, est-ce que vous savez de qui je parle ? J'endors de son ? Non. Toujours un bout. Déjà, à mon avis, on parle pas de Johnny. Ouais. On parle pas de Johnny, non. On parle de Bernard Lapoutre. Voilà. Donc qui est décédé juste après Johnny, hein, comme quoi il voulait faire un petit tour avec suivre son héros. Donc voilà, donc une petite pensée à lui. Bizarrement, moi ça m'a plus touché que Johnny. Moi aussi. C'est quand, toujours un bout de dingue. Bah ouais, quand j'ai toujours lu le tweet du podcast, je fais non mais non c'est. J'ai cru une blague moi au début. Bah c'est pour ça, moi j'ai juste fait j'ai tweeté comme ça, et Lance Patate m'a répondu en DM que oui, donc voilà, donc cette session lui est dédiée, voilà. Donc on aura toujours un bout de dent. Enfin, on espère. Donc maintenant passons au côté un petit peu plus joyeux, donc festif. Avec nos deux invités, donc j'ai toujours les sociétaires, donc le nouvel arrivant Tocheux. Adi Schatz, voilà. Anciennement roule avec moi, mais prochainement plein de choses. Ah, prochainement plein de trucs, je sais pas. Ouais, donc ça je sais pas si vous allez aimer. Et tu sais quoi, tant que nous, on s'en fout, c'est tant que toi tu aimes ce que tu fais. Exactement. On t'aimera toujours. Ah, voilà. Merci, c'est gentil. Et on a la Mafia 80, comme toujours, allez, voilà. La même, avec des Borsalino. Moi je me présente même plus. Voilà. D'accord. Et Gandalf 80. Qu'est-ce qu'on en a à péter ? Ouais, voilà. Donc on est toujours diffusé normalement sur Podradio parce que j'ai pas vérifié si c'était toujours le cas, mais normalement sûrement. Oui, donc podradio.fr, regardez un canal et on y sera normalement. L'autre rappel d'usage, c'est Podren le 31 mars et 1er avril à Rennes, donc inscrivez-vous, c'est gratuit sur le site podren.fr, il y a le programme quasiment fait, il reste encore deux trois petits trucs, attends. On parle de Podren et on a monsieur l'investigateur de Podren qui est à la table. Plus trop en ce moment. Et on ne voit plus aux réunions. Ouais, je te vois plus aux réunions. Disons que je préfère dormir. Ouais, c'est ça. Ce qui est vrai. Oui, hein, c'est des excuses, hein, on en connaît toutes. C'est comme les trous du cul. Tout le monde en a deux. Tout le monde en a. Comme Monsieur Flap, hein, c'est pareil. Comme Monsieur Flap, oui. Et donc, du coup, bah, j'ai fini. On va faire la présentation du contenu et ensuite on vous laissera la parole parce qu'il y a un petit happening. Donc, au niveau du contenu, donc, juste tout de suite après, on aura le happening de nos invités, le C'est bien Houblon, le dossier, le quiz, la musique, comme à chaque fois. Et là, ça va être une session vraiment plutôt extraordinaire parce qu'on a à chaque fois un dossier ou un quiz. En plus de ce qu'on fait d'habitude. En plus, en plus. En plus, en plus. Donc, toujours plus. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Je vous le mets quand même. Ouais, je vous la mets quand même. C'est pour le chien. Et du coup, bah, je vous laisse la parole. Alors, c'est pas vraiment un happening, mais s'est dit qu'on est en décembre et que bah, bon, c'est bientôt Noël. Oui, voilà. Bientôt les cloches. Et puis, bah, quand il y a Noël, bah, y a des cadeaux. Voilà. Des petits cadeaux. Alors attention, c'est un petit peu spécial. Il y a du bolduc, il y a du papier, il y a tout ce qu'il faut. Du papier. Le premier cadeau, en fait, est un petit carnet. On sait que c'est une émission qui aime bien boire une bonne petite binouze. C'est porté sur les spiritueux. On passait à Bordeaux, puis on a trouvé cette petite brasserie là qui avait l'air sympa. De Bordeaux. Et puis, on a pris un petit pack comme ça que vous goûterez entre vous, entre potes, tranquillement. Voilà, ça c'est pour vous. Pas. Okay. Et c'est très très bon. C'est la brasserie BBF de Bordeaux. C'est tenu par Paul, un roux ma foi fort sympathique. Un monsieur très sympathique qui nous expliquait les tenants et les aboutissants de son métier. C'est ça. Nous on a vu Paul. Mais là où on veut en venir, et là c'est un cadeau un petit peu spécial. C'est un peu perso, un cadeau un peu perso. Alors. Bah on a été quand même reçus comme des rois avant de venir ici chez. On est passé par chez Tocheuse pendant notre petit tour du sud des podcasts. Et on s'était dit quand même, Tocheux, faut qu'on lui fasse un petit cadeau, faut qu'on fasse plaisir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'est Tocheux? On s'est dit la voiture, ouais. C'est quelque chose de Tocheux. Parce que, disons-le, tu as arrêté ton podcast il y a maintenant quelques semaines. Ouais, presque un mois. Et on s'est dit, ah c'est dommage quand même, hein. C'est dommage d'avoir arrêté comme ça. Qu'est-ce qui pourrait lui donner envie de recontinuer, de recommencer son podcast? Un sapin à mettre au rétro. Je crois pas si bien dire. Alors, tu sais que tu vas pas t'en tirer comme ça? Ah ben non, je savais pas, mais là, mis devant le fait accompli, je pense que je vais pas avoir le choix. Le petit cadeau. Le petit clin d'œil. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Oh, ça. Ah putain, je vois ce que c'est. Ah bah après, tu vas voir, c'est pire. Alors, on fait de l'unboxing, ouais, putain, non. En direct. Eh ouais, en direct. Des bonnes paires de dés en mousse qu'on accroche au rétroviseur. On s'est dit que si tu pimpais un peu ta voiture, t'aurais envie de recontinuer, de recommencer. De passer du temps dedans. Ah, allez. Mais ils sont cons. Et tu sais que c'est un truc à me faire reprendre, rouler avec. Ah, bah écoute, peut-être que ça va te plaire. Il faut le sticker Playboy qui va avec. Qui va te plaire. Oula, ah non, le volant mousse. Non, j'avais pas le fait. Putain, j'avais pas les fonds, j'avais pas osé faire un Tipeee pour ça. Non, vous avez pas osé, vous êtes fous les mecs. Non, ça nous fait plaisir. Oh, bah, mais quelle folie, quelle folie. On veut te voir avec ça au volant demain. Hein. Ah ouais, putain, bah oui. La couleur était prêt. Ah ouais, effectivement, ouais. C'est une belle moumoute de volant, bien rose. Girly. Bien girly. Non, franchement, je sais pas quoi dire. Voilà. Mais je vais la mettre. En avant pour de nouvelles émissions. On espère qu'il va la mettre. Je vous fais pas la bise parce que c'est pas très radio, mais le carré. Hein. Voilà. Non, mais demain on va se faire un Castres Bordeaux. Mais du feu de Dieu. Voilà. Je vous assure que ça va être terrible. Le but c'est qu'on se fasse klaxonner par les 35 tonnes. C'est vraiment. Ah merde. Terrible. Bah je m'y attendais vraiment pas, mais en tout cas ça me fait plaisir. Et après, bon, les néons arrivent demain aussi. Mais le pire, c'est que je pense que je suis capable de garder tout ça et de le laisser dans ma voiture. On va t'installer un. Ne serait-ce que quand je conduis, toujours penser à vous, toujours penser à ces copains de podcast là, où on fait quelque chose et on a toujours du retour. Donner. Tu n'es pas obligé de. Non, mais ça me fera plaisir. Ouais, je pense que je vais me le garder. Voilà, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël, et vous, merci. Hein. Ouais, c'est bon, un peu. C'est joli. Ça, je vais pouvoir toucher du pompon. Je vois Gandalf qui me regarde comme ça. Parce que tu veux toucher mes pompons. Il y avait une paire de. Ils sont en plus. Ah ouais, mais pour l'instant, les feux stop marchent encore. Donc le chien qui remue la tête va peut-être un peu plus tard. Ah oui. Ça, le. Ah, mais franchement, merci. C'est très touchant. C'est très touchant. La prochaine fois, on t'installera un bar à jus de fruits dans ton coffre et un double écran plasma aussi quand tu l'ouvres avec une console. Et ouais. Comme ça, ma voiture aura été pimpée par Péremptoire à Noé. C'est ça, on fera un podcast, ce sera Pimp My Tocheux Mobile. Voilà. Ah ouais, pas con. Mais merci, c'est très touchant. Ouais, c'est. Je vous remercie. C'est assez chouette, même les bières, je pense qu'on va bien déguster. Ouais, il y a une American Ale. Ouais, on a pris les trois plus différentes, enfin, sur la gamme, les trois. C'est la IPA, je crois, qu'on avait goûté et qui était vraiment délicieuse, donc je pense que les autres vont. Eh bien, merci à vous. Bah, nous, on n'a rien à vous offrir, à part l'hospitalité et l'ambiance. C'est déjà beaucoup. Et du coup, on va s'enchaîner ça tout de suite avec un jingle de. De C'est bien Houblon, j'étais en train de chercher le nom parce que j'ai plus le conducteur devant moi. Et on va déguster nos bières juste après ça. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter ! On va goûter ! Pouah ! Allez, vol ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! C'est ah, j'ai buena. Froid ! J'ai soif ! Allez, non, on va aux filles, les gars ! Et bah, on va aux filles ou pas, du coup ? Bah, oui. Ça vous dit d'aller aux filles juste après? Allons-y. Ouais. On fait un petit tour au marché de Noël, à mon avis. On a déjà, on a croisé la mère Noël et un éléphant. Deux sapins et un éléphant en tutu. En tutu. C'était sympa. C'est sympa chez vous quand même. Non mais c'est festif, hein, t'as vu. C'est festif. C'est pas le trou du cul du monde. Je vais donc donner le décapsuleur de la destinée. Bah, on va commencer par Noé, qui est à ma gauche. Alors, je sais pas si tu connais le principe, mais il faut que tu expliques en fait la bière que tu vas. Ouais. Non, en fait, le décapsulage, c'est. Là. D'accord, tu ok. Mets, tu mets la décapsuleur comme ça. Alors, avant de la décapsuler, moi j'ai pris une petite Tongerlo. C'est une bière belge, je sais pas si vous avez déjà bu ça. Oui. Parce que je vois qu'il y a une belle collection pas loin de là où on enregistre quand même de bières vides. Mais c'est joli. C'est une bière belge, donc une spéciale Noël, puisque oui, on est en période de Noël. Donc c'est un petit peu le petit thème imposé, j'ai l'impression. Ouais. Une petite bière de Noël. Alors c'est une authentique bière d'abbaye, hein, faut le savoir. Elle a été refermentée en bouteille. Elle a une robe ambrée, une mousse assez onctueuse. Hein. Elle a un goût épicé et fruité qui est vachement enrichi, moi je trouve. Ça, c'est mon avis personnel. Hein. Mais par l'arôme complexe du houblon noble. Donc, bah voilà, je m'en vais pour la dégustation. Ah. Exactement, on a du sang. Ça a l'air bon. Bah voilà, je passe le décap ou alors faut goûter et tout ça. Et... Ah non, non, tu te déverses à toi. Et tu te bouscules, comme d'habitude. Je ne m'en remets pas. Et avant, je sais plus si on goûte tout de suite ou si on goûte après. Non, c'est après. Non, c'est après. Non, mais je m'en rappelle plus de ces cannes. Et là, tu fais passer, le décaps. Alors, pas à Tocho parce qu'il a le tien. Ah. Mais tu peux te faire semblant de lui donner. Mais tu peux me passer un décap virtuel, mais tu peux le passer aux autres aussi. Tiens. Je suis pas jalouse. Alors, Gandalf, qu'est-ce que tu nous as pris? Qu'est-ce que j'ai pris? Non, mais c'est de toute façon, tu le passes à Tocho. Si tu savais ce qu'il a pris, vas-y, fais-toi plaisir. Je fais me plaisir. Change rien, change pas de main. Alors, oula, ça va être. Je vais faire mes meilleurs bruitages de versage et tout, parce que t'as voulu dire que le vin d'Andy a été très compliqué. Alors, la dernière fois qu'on a fait du bruitage comme ça, c'était à Noël, et c'était Asto qui faisait le bruitage. Non, je n'avais rien fait du tout, je t'avais dit que tu feras du montage, et tu m'avais dit non. Oui, parce que tu avais dit que je ferais du montage. Donc j'ai pris une rate. Hier soir, t'as pris une race ? J'ai plutôt une grosse race, hier, ça aussi. Oui, on confirme. C'est pas loin de Cahors, si ma mère est bonne, oui, c'est ça. Et donc c'est la version de la Noël, comme on dit chez nous. Bière de Noël en été, brasse qui peut, en hiver, brasse qui veut. Voilà. La bière de Noël, une tradition brassicole ancestrale rythmée par les saisons et les moissons. Autrefois, les températures plus fraîches de l'automne devenaient favorables au premier brassage des récoltes d'orge de l'été. Cette bière pouvait mûrir en cave plusieurs semaines avant d'acquérir ses arômes particuliers qui en font une bière de Noël. Bon, je pensais qu'en fait il parlait de cette bière, ça je comprenais pas. Oui, mais. Allez, le décapsulage. Et alors, c'est fait dans le Quercy. Voilà. Si tu sais pas où c'est. Alors là, attention, meilleure imitation. Bien joué. Et maintenant le. Oh, ah, c'est une mousse, hein. C'est une mousse. Ah, bah, il a l'habitude de mousser. Ah, tu ah, manges okay. Attends, attends, attends, attends, les bruits de mousse. Voilà. Donc, l'enculerie commence déjà dès la bière. Voilà. Elle a l'air un peu claire, ta bière. Ouais, ouais, c'est bien. Mais, tu fais gaffe, il y a un poisson dedans. Ouais. Ta bière du robinet. Ouais. Meilleure brasse. Ouais. Mon... Et sinon, elle va dans la touche mobile. Et, ah oui, c'est la vrai, dame qui va avec un polichinelle dans le tiroir, tout ça, on ne fait plus polichinelle. Alors, polichinelle, non. Polichinelle, il n'a pas droit. Par contre, touche mobile, oui. Bien, parce que c'est Noël, bien, ça doit aller pour le traîneau. Ah oui, d'accord. Et toi, Noël, il y a des restrictions, y a ouais, pas... moi, la dame avec le polichinelle, elle a pas le droit. Par contre, le verre avec le 8 dessus, c'est fortement conseillé. Le verre avec le 8 dessus. Il y a un verre avec un 8 degrés dessus. Voilà. J'avais jamais vu ça. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, parce que la bière était assez... C'est la température. C'est la température, c'est température de dégustation. Okay. Okidoki, très bien. Donc je vais passer le décapsuleur. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fera pas mal au crâne. Ah celle-là non, elle va être ouh là, chou. Elle va passer crème. Ouais. Sans mort en tout cas. Tu peux même te ça la faire comme devant. Avec plaisir. Voilà, je passe le décapsuleur à Pépé, dit Sophie. Alors moi, thème de Noël oblige, j'ai pris une Weihenstephaner Winterfestbier. Donc c'est une bière de Noël allemande classique, j'ai envie de dire, hein, 5,8 degrés. Avec tout un texte en allemand que je vais pas lire. Polichinelle en tiroir, pas bon pour les bébés. Ah, ah, là, pas par bien. Contre, par contre, Toche Mobile. Bien. Très bon, Toche Mobile. Je vous emmène au bout. Voilà, code barre 405-120-003-286, etc. Ça, c'est du classique. Mais voilà, c'est une de l'efficace. C'est du classique d'un bon podcast. Assez classique. Alors, comment c'est là. Oh, l'imitation est de mieux en mieux. Ouais, franchement, là, on tape dans le top du top. Hop, hop, hop. Ah non, j'ai pas. Et je vais passer le décapsuleur du destin à ce cher Astour. Allez, c'est parti. Putain, cache ta joie. Oh merde. Alors, bah, ça te fait chier, tu me dis. Hein. Ouais, décapsulé. Tout c'est un coup. Tout c'est un coup. Ça a mis après. Donc moi j'ai pris une Rivière d'Ain, donc une bière vainqueur du concours mondial World Beer Idol de 2016. Donc la Rivière d'Ain est une rousse chaleureuse et ronde. L'utilisation de malt torréfié lui confère une couleur et un goût subtil de café et de céréales grillées. Donc c'est une bière française. Brassé par Rivière d'Ain à Jujurieux dans l'Ain. Jujurieux, quel beau petit nom. Oui. Je sais pas, j'hésite entre la chope et le attention. Verre. La attention, chope. Il y a l'effet. Ouais, attention, ouais. Oh, putain, oui. Tremblez pas comme ça, ça fait de la mousse. Sur les écouteurs, nickel. Ça, tu dois pas le dire souvent, toi. Enfin, au contraire, ça doit t'arranger. Chut, pas c'est une blague de gérontophile. Ouais, c'est ça. En tout cas, elle est belle. Ouais, elle a une belle couleur de Noël, si ça existe. On va rentrer dans les concepts judéo-chrétiens. Alors ah, attention. Bière de Noël, c'est chrétien. Une bière de Noël, c'est chrétien. C'est Shabbat. Et du coup, attache. Allez, allez. Moi, c'est parti. Moi, j'ai mon propre outil. Hein, vous me connaissez. Outils. Au bon ouvrier. Qu'est-ce que j'ai choisi, moi? Hier soir, j'étais un peu perdu. J'étais surtout resté sur tout ce que j'ai été chercher la semaine dernière. Donc, j'avais eu du mal à renouveler. Moi, je suis parti en ce moment sur les bières vraiment artisanales. Et je suis tombé sur une bière irlandaise qui s'appelle la White Haig. Donc, bière à base d'orge, toute simple. C'est une... je sais plus quoi. Honnêtement, j'en sais rien. Elle est titrée à 5 degrés. Madame qui a un petit truc dans le bide, elle peut pas s'en servir. C'est compatible avec la Toche Mobile. Tu veux dire un alien, c'est ça? Ouais, un alien. Je sais pas, après, ça dépend. Hein. Je sais pas, ce que, je sais pas ouais. Ce que fait Gandalf de ses nuits. Donc, bah si, cette nuit, tu sais, mais... enfin, cette nuit, voilà. Il y a toute une collection chez White Hag, ils font aussi la Christmas Ale, ils font l'Imperial Hotmail, Hotmail. Hotmail, c'est tellement de mille, ça. Les caramels aussi. Caramel aussi, il y avait l'Icos aussi qui était pas mal. Et je crois que la Hotmail, on l'a déjà pris, enfin moi, pour un apéro, il me semble. D'accord. Et voilà, donc on va se tester ça et puis on vous dira ce qu'on en pense. Avec mon décapsuleur, là, tiens, qui commence à s'user. C'est pas bien ça, voilà. Et du coup, Qu'est-ce qui s'use hein? Suze ou Suze? Est-ce que Suze s'est trompé? Et du coup, je passe pas mon décap parce qu'il a déjà le sien en main. Ah, Azerfan. Non, on avait dit les blagues sexistes, c'était pour Gandalf, pas pour moi. Merde. D'accord. Fais mon garçon. Enculé. Ah bah là, ça mousse. Mmh. Ah bah oui, il y a de la bière. Ouais, elle est bien blanche, hein. Enfin, elle est bien claire en tout cas. Mmh. Allez. Il y a un contraste. C'est ça. Alors, quant à moi, bah, j'ai une page 24 de bière de Noël, donc qui est une bière ambrée. Donc, c'est brassé pour les mois d'hiver. La cuvée de Noël est une bière ambrée, chaleureuse et conviviale. Donc, Sigourney Weaver, elle n'a pas le droit. Faut tenir la bouteille toujours droite. Hein, toujours toucher, droit. C'est pas bon. Toujours droite. Toujours droite. C'est toujours entre 6 et 8 degrés de température extérieure. Et c'est une 6,9 de volume d'alcool. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Ouais. Là, il y a de la référence quand même. Hein. Tu veux des cartes de visite? Non, c'est moi, j'en ai une carte blanche. Hop, et... Oh, ça mousse. J'ai perdu un ami en direct. J'ai perdu un ami en direct. Tu prends ça trop à cœur. Ah, tu crois? Vivement ton podcast sur tu sais qui. Teasing sur l'avocat. Double ah bah, teasing. Ah ouais, voilà, franchement. Bah t'es pas le seul à mousser parce que. Oula. Putain, c'est marrant pour une fois que c'est pas Gandalf qui remporte la palme. On bah, il a pas, il a pas. Il a pas d'équipe. C'est pour ça. Non mais c'est vrai que ça mousse hein. Faut rien, dis donc. Je m'attendais pas à ça. Dis donc. Tu t'attendais pas à toi? Ah oh, non. Du coup, on va commencer à déguster sans vous. Hein. Bah oui, non, mais on va faire un petit cheer. Hein. Allez, cheers. Santé. Allez, bien ouais. Petit micro. Ouais, vous nous direz sur le chat. Il chine pas si t'es vert. Non. Touche. Bon. Allez. Pardon. À Tatienne. Et puis à Gandalf. Hein. Ouais. À ceux qui le supportent. C'est de la blonde hyper classique. Hein. Eh, franchement, là, ton Gerlo, c'est pas mal. Hein. J'ai envie de te dire. Ah, bon, je m'attendais à plus de caractère que ça sur la mousse. Moi, la page 24, elle est pas mal. Ouais. Enfin, là, sinon, t'as essayé sans la mousse. Il y a un petit peu trop de mousse. Mais ouais, j'ai pu tremper mes lèvres. C'est juste le goût. J'ai pu tremper mon goût. Ah, bonjour, Gandalf. Ça va? Alors la suite alors, là, vite, attends, laisse-moi poser mon verre et regarder qui mon conducteur. Qui c'est qui bosse après? Alors, qui c'est qui bosse après? Alors, normalement, que je rouvre parce que j'ai eu un plantage de quoi? Le ouais, temps il que marqué, ça il y a marqué le truc de Pépé. Ah, bah si c'est le truc de Pépé, c'est mon petit truc. On va lancer le jingle, jingle invité, si je le retrouve. Vas-y, là. Allez, viens! Allez, viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! Viens! Allez, viens! Viens! Viens! Allez, viens! On va manger des chips! T'entends? Des chips! C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips! Alors, moi, je me suis dit, je viens, sûr, cette fois-ci, je suis là, sûr, hein, sûr. Mais j'avais envie de faire une petite chronique quand même, parce qu'on ne vient pas les mains vides. Hein, ce serait dommage. En fait, je voulais faire une chronique, mais j'avais la flemme de préparer quelque chose. Donc, je me suis dit que j'allais vous raconter un rêve que j'ai fait il y a quelques semaines. Voilà, et je vais vous le raconter. Et parce que c'est un petit peu bizarre comme rêve et tout, et ça implique plein de choses. Et j'aimerais bien voir vos avis sur la situation, ça va être un petit peu du jeu de rôle en fait, enfin... un petit peu se projeter sur une situation comme ça. Alors, mon rêve, c'était, en fait, mon moi de 26 ans, de 26 ans, était transféré dans mon corps de quand j'avais 8-9 ans. C'est-à-dire que j'étais dans mon corps de 8-9 ans, mais j'avais encore mes souvenirs de personnes de 26 ans. Mmh. Avec tous mes souvenirs d'adultes, je revoyais l'endroit où j'habitais et tout, ça paraissait très réel et tout, et je me suis dit, et dans mon rêve, je me suis dit, putain, merde, je vais devoir tout refaire. Voilà. Je me suis dit ça. Faut repasser ton bac. Voilà, et donc après, je me suis réveillé, bien sûr, parce que tout ceci n'était qu'un rêve. Et je me suis dit, La fin de beaucoup trop de BD. Et ouais, voilà, et même de certains jeux de Mario, apparemment. Et du coup, je me suis réveillé et puis je suis resté cogiter un peu. Je me suis dit, putain, mais si c'était vrai, qu'est-ce que je ferais du coup, hein? Et j'aimerais avoir. Alors, déjà, je suis très Bitcoin, bien sûr. Ah, ça c'est sûr. Hein. Mais voilà. On va pas se faire baiser deux fois. En fait, je me suis posé des questions, plusieurs petites questions, et j'aimerais bien avoir vos avis. Par exemple, est-ce que vous essayeriez de le révéler? Alors, souvenez-vous, vous avez 8 ans. Mm-hmm. Vous êtes dans un corps de 8 ans avec, ouais, avec des souvenirs de 26 ouais, ans, 30 ans, 40 ans, mm-hmm. Donc, est-ce que vous essayeriez de le révéler à des gens ou pas? Alors, moi, attention. Moi, non. Non. Non, tu ferais rien? Non, tu non. Tu ferais rien du tout? Ah non, de le révéler? De dire, il arrive un truc bizarre, voilà ce qui se passe. Non, non, ça, j'essaierais pas de le partager, parce que à 8 ans, tu sais très bien que tu serais pas prêt au sérieux. Ouais. Même après, donc, penses, c'est dépenser de l'énergie pour rien, donc je préfère m'occuper de ce qui se passe. Si t'as des bons souvenirs, tu peux dire, dans 2 secondes, il va t'arriver ça. Et hop, il lui arrive ça et tout. Le mec, il va commencer à se poser des questions. Celui-là, tu vas marcher dans la merde, clac, il marche. Par exemple, si tu devais le révéler, tu le révélerais à qui? Bah, à mes parents. À tes parents? Mais c'est tout. C'est tout. Trop de charge. Et surtout, un truc, si tu devais le révéler, comment tu le révélerais? Hein? Comment je le révélerais? Bah ouais, tu fais... Papa... Papa, maman, asseyez-vous, je fais un truc de dingue à vous dire... C'est quoi cette bouteille de lait? Tu sais, t'as 8 ans et tu fais... je connais et tout. Voilà. Non, non, mais voilà, t'as 8 ans et tu fais... Papa, bah, achète du bitcoin. Papa, maman... dans 3 ans, il va se passer tel type de truc et tout. Alors, soit on va te prendre pour un gros dingue... Ouais. Soit ça peut passer. Mais voilà, ça c'est la question. Genre, papa, dans 10 ans, il n'y aura plus de neutralité du net. Parce que tu... Il va te dire, c'est quoi le net? Ouais, voilà. Ou Donald Trump, il va être président des États-Unis. Oh, t'es con. T'es con, ouais. Ah, ouais, t'es con. Ouais. À 8 ans, on va dire en forme. Allez, continue. Non, mais par exemple, tu sais, t'es un gamin de 8 ans, mais tu connais déjà la fin de Star Wars 8, par exemple. Oh, là, tu peux anticiper. Alors, est-ce que, par exemple, déjà ils vont pas de quoi? Star Wars 8? Non, mais déjà il y a que 3 films. Mais t'es con, il y en a que 6. Ouais. Non, il y en a que 3. Alors, ouais, peu importe, que vous les révéleriez ou non. Bah, quand t'as 8 ans, ils étaient pas sortis. Ouais, bah, t'es au courant qu'il y a des Star Wars qui sont pas encore sortis. Et, ouais, tu vois. Par exemple, vous changez. Ouais. Alors, si vous ne révélerez rien à des gens, mais est-ce que vous essayez de changer des choses? Avec les risques que ça comporte. Elle par exemple, papillon, quoi. Non mais prédire genre des trucs genre, déjà le 11 septembre, genre de trucs. Et du coup, tu crées une timeline différente, quoi. Par exemple. Ah oui. Forcément. Qu'est-ce que vous essayez de changer comme ça? Qu'est-ce que j'essaierais de changer? J'essaierais de changer que des trucs qui ne m'affectent pas. Si, qui n'affectent que moi en fait, mais et qui touchent le minimum possible les autres. Je m'attacherais surtout à changer mon destin. Sur certains. Ah ouais, tu changerais ton destin, toi? Oui, je changerais des choses que j'ai fait par la suite. Je m'arrangerais pour que ça change, oui, effectivement. Toi, je vis avec ce que j'ai aujourd'hui, mais je changerais certainement des choses qui me sont arrivées. Toi, tu changerais des trucs, Noé? Qu'est-ce que tu changerais? C'est compliqué, hein, parce que... Ouais. Parce que tout en conservant les souvenirs, c'est-à-dire que, par exemple, moi, si après le bac, je n'avais pas fait une fac d'anglais où je me suis perdu plusieurs années, j'aurais pas fait les études que je fais maintenant, on se serait jamais rencontré. Ouais, pourtant, j'aurais des souvenirs de toi, mais on se serait jamais rencontré. Alors, je serais venu te voir, je fais « Ah, tu veux être mon copain et tout ?» Ouais, on aurait pu le faire, ça. Ouais. Ouais, mais... Non, mais c'est faut y réfléchir. T'as les souvenirs de la personne que tu ne connais pas, au final. Et du coup, si tu forces la rencontre, t'auras pas forcément le même lien que t'avais avant. Exactement. Donc, ouais, c'est plein de choses. Moi, il y a plein de trucs, franchement, il y a des trucs à changer. Est-ce qu'il y a un destin, du coup? Mais déjà, rien que le fait de revenir à l'âge de 8 ans, tu vas avoir un changement de comportement. Ouais, tu passes du jour au lendemain... D'un gamin insouciant, ouais. Vous, papa, j'ai mon doctorat en communication. Mais non, voilà. Tu te fais arrêter sur la route parce que t'es au volant. T'as 8 ans. Monsieur, qu'est-ce que vous faites au volant? Bah, j'allais chercher mes bières. Vous avez 8 ans, monsieur. Et alors? Ouais, attends, je me gare. T'es au VNG, là, tu payes sans contact avec ta carte de. Moi, je pense que je ferais des paris. T'arrives avec ta carte sans contact. Sans contact, t'existerais pas, du coup. Ah, le pari sportif, non. Moi, je ferais du pari sportif. Est-ce que vous feriez des. Oui. Par pur. Moi je mettrais le doublé d'Ilan en finale de la Coupe du Monde avec les minutes et tout. Non, parce que imagine, tu fais des paris sportifs, à condition que tu le fasses pas intelligemment, donc de base. Tu enchaînes tes victoires, t'as l'algorithme de toute manière qui va commencer à comprendre comment tu fonctionnes. Et au bout d'un moment, tu vas modifier l'algorithme. Tu vas modifier les codes aussi. Voilà, donc De toute manière, quoi Leicester, que tu fasses, tu vas créer forcément un avenir différent de celui que tu t'imagines. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est même sûr, parce que juste le fait, même si tu fais un pari sportif pour gagner, t'étais pas censé le gagner. Non. T'étais pas censé le faire non plus. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà. Dans tous les cas, ça. Rien que le fait de venir. Mais par exemple, rien le fait d'acheter des bitcoins. Je suis pas sûr qu'au départ ça puisse vraiment modifier quelque chose. Là non, parce que c'est du virtuel, c'est pas quelque chose de palpable. À cette période-là, au début du Bitcoin, tout le monde pouvait en acheter. C'était 1 € et quelques Bitcoin. Ouais, ça valait à rien et c'est un truc du virtuel. Ouais. Alors que si tu gagnes un pari sportif à la place de quelqu'un, là c'est vraiment quelque chose de palpable. Alors que le Bitcoin, vu que c'est virtuel, En gagnant le pari sportif, tu modifies toute la structure du gain en lui-même qui part de chez l'Institut de Paris. Ouais, t'impactes directement la société. Tu vas toucher de l'argent que quelqu'un. Ouais, non, je suis arrêté. Voilà. Attends, donc en gros, le débat, c'est est-ce qu'on change les choses ou pas ? Mais au risque de. Tiens, moi, j'ai pas envie de refaire mon lycée, quoi, c'est chiant. Bah, moi, j'aime repasser bien. Repasser le bac. J'aime bien être surpris, donc. Je m'arrangerais pour avoir le moins de changements possible tout en sachant que de toute manière, ce serait différent. Bah, après, ça dépend. Est-ce que tu reviens après ? Est-ce que tu reviens après dans ton corps d'origine ou pas ? Non, jamais. Ah, donc t'es coincé à 8 ans. C'est badant quand même. Et tu ne sais même pas que. Peut-être que quand tu reviens à tes 26 ans, c'est une boucle infinie que tu retournes encore à tes 8 ans. Peut-être. Ça me rappelle un très bon bouquin qu'on m'avait suggéré qui s'appelait Replay. Le gars il revenait en boucle, mais la période se raccourcissait et il revenait jamais vraiment à la même période du temps. Si on boucle, je m'en fous. Ouais. Si je suis sûr de boucler 2-3 fois, après je fais des brouillons. Oui, mais après, tu t'en sers de brouillons. Si tu boucles exactement genre 10 fois à la fin, t'en as pas marre. Mais non, mais tu testes d'autres choses. Moi, clairement, déjà au bout de 3 fois, j'en ai marre. C'est un coup à. Ça dépend si t'es aux États-Unis et que c'est le jour de la marmotte. Ouais, ouais. Faire du piano, faire de la sculpture sur glace. Quoique après, on dit McDowell, il y a pire. Bah en fait, j'ai cherché, du coup, j'ai fait mon. Et la marmotte. Pop culture comme ça. Non, j'ai cherché des heures avec le voyage dans le temps, il y en a plein. Ouais. Mais. Cette subtilité, tu reviens dans ton corps quand t'es plus jeune, ça, il n'y en a pas des masses. Alors, j'ai trouvé un truc, peut-être que les plus japonais... Quartier lointain. Oui, c'est vrai. Quartier lointain, c'est un japonais de 48 ans qui se prend une grosse mûre, il se trompe de train pour rentrer chez lui, et puis il rentre dans... il revient dans son corps de personne qui avait 15 ans. Mm. Et puis, voilà, il essaie peut-être de changer les choses par rapport à ses parents, voilà. T'as vu une série qui s'appelle Life on Mars. Tu me rappelles quelque chose ? C'était un flic de 2006 qui revenait dans son corps en 1973. Mmh. Et ça avait voilà, tous les choix que ça pouvait supposer. Non, mais elle était, je crois, sur Netflix. C'était... Ouais. Et il y avait aussi un film dans un train, là, avec un attentat dans un train, et c'était une boucle. Le Pôle Express. Le Pôle Express. C'est pas Source Code, un truc comme ça ? Non, j'ai pas la référence. Donc vous ne changeriez rien. Inconditionnellement, tu changeras les choses de toute manière. Ouais. D'une manière ou d'une autre, tu les changeras même si tu le veux pas. Alors pour info, ta série Life on Mars, c'est avec le. Je sais plus le nom du. Dans Doctor Who. Ouais. Son antagoniste. James. Oui, c'est le master quoi. Le master, le maître. Le maître. C'est je sais plus quoi. Ah, John Sim, c'est pas ça, c'est pas John Sim. Attends, j'ai regardé sur la page Wikipédia. Non, l'exemple le plus frappant de savoir si tu changerais quelque chose ou pas. Un jour, tu sais que tu t'es pété le bras ou que tu t'es blessé ou un truc vraiment qui t'en a chié. Est-ce que sciemment, tu le referais ne serait-ce que pour que ça change pas le cours des choses ? Est-ce que tu t'éviterais pas quand même la peine de la douleur du machin et du truc ? Donc c'est bien. Donc inconsciemment, tu vas tout faire pour aller dans le sens pour que ça s'améliore. Enfin, moi, c'est mon point de vue après. C'est comme ça que je vois le truc. Dans mon livre à moi, c'est comme ça. Moi, ça m'éviterait de me prendre des râteaux. Là, t'es obligé d'attendre 17 ans pour revenir au même moment pour essayer ta technique. C'est triste. Exactement, je jouerai du piano. Mais après, non, mais t'accumules toutes les connaissances. T'as 8 ans et t'es Einstein, tu vois. T'as peur un peu de la surcharge mentale là au bout d'un moment quand même. Ouais, mais si t'es bloqué dans la boucle, ça sert à rien de faire un coup un bac S, un coup un bac L, un coup un bac ES pour avoir plein de connaissances. Ouais, tu peux pas justifier ça sur ton CV de toute façon. Tu peux pas l'exploiter non plus puisque. Non, mais ça veut dire que t'as du temps pour pouvoir, en bouclant tout le temps, t'as du temps pour pouvoir aborder tous les sujets qui te plaisent. Oui, par contre, à la fin, si tu boucles indéfiniment, par exemple, ça doit être cool. Infini, quoi. Ça doit être cool. Tu par exemple, dans sens infini, mais à quoi bon? À quoi bon, ouais, c'est ça. Bah si, tu peux faire avancer les choses dans cette temporalité. Après, ça dépend, c'est est-ce que le fait que nous, on boucle... Est-ce que la temporalité, ouais, la temporalité continue ou pas? Non, voilà. Ou pas. T'imagines, non, c'est... Alors, tu reviens à l'origine d'une création d'univers complètement différente d'une fois sur l'autre. Tu reviens à tes 8 ans et la personne de tes 26 ans, parce que cette timeline n'existe plus. N'existe plus, oui, donc tu reviens, tout ce que t'as fait avant... Ouais. Ah oui, bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'acquérir des connaissances. Qu'est-ce que vous feriez, par exemple, en hobby, le hobby que vous aviez toujours voulu faire? Ouais, mais ça sert à rien derrière. Imagine, tu passes tes 8 à 26 ans, une fois, et tu reviens de tes 26 à 8 ans avec les connaissances que tu as acquises. Bah, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu t'enrichis d'une connaissance, oui, et tu reviens toujours mieux armé, mieux préparé sur un autre site. Pour aller faire le test président d'aller vivre sous un pont dans un carton au Japon. Voilà. Tu peux péter Laurent Fabius et devenir le plus jeune Premier ministre, voire même le plus jeune président de France à ta majorité électorale. Il n'y a pas du but là? Il n'y a pas quelque chose à faire? Il n'y a, ouais, a pas de l'espoir à donner? Ouais, en gros, ce serait un bac à sable, tu vois, tu testes plus. C'est du Minecraft, c'est un Minecraft vivant. C'est, voilà. Et du coup, si, dernière question, s'il y avait un hobby que vous aviez toujours voulu faire, que vous n'avez jamais eu le temps ou l'occasion, là, que vous feriez? Du hockey sur glace, mais vraiment à fond. Ouais. La NHL. Non, mais bah non, parce que tu peux pas. Là, au pire, à 26 ans aussi, tu peux aller choper le triple midget, mais voilà. Tu peux te faire une draft NHL, ouais. Mais là, ça suppose vraiment beaucoup d'investissement. Mais après, tu t'en fous, tu reboucles. Mmh. Ouais, moi, je pense que c'est ça. Mais tu gardes tes compétences, comme dans Un Jour sans fin, où au final, le piano, il l'a appris. Exactement. La sculpture sur glace aussi. Exactement, ouais. La sculpture sur glace, ce serait ce que je ferais de mes années perdues. C'est ça que tu ferais, la sculpture sur glace? Ouais, ou sur la tronçonneuse, comme dans... Truc de glace, j'ai une ferme à côté de chez moi, alors... Ouais, mais du coup, attends, si tu boucles indéfiniment, que tu gardes tes connaissances, est-ce que tu n'essayes pas de construire une machine qui fait que tu arrêtes de boucler? Mais non, avec parce un que tu seras sûrement limité par des moyens techniques qui font que, ouais, parce que tant que tu n'as pas accès à ce qui se passe plus tard, tu n'auras pas les moyens énergétiques. Mais alors, mais du coup, il faut trouver le moyen de hacker la technologie pas forcément pour y aller de plus en plus vite. Tu boucles. C'est... Donc à chaque fois, tu as juste besoin de créer. Si c'est juste la création qui te prend du temps, là je suis d'accord. Ouais, mais quand tu reviens. Il faut que tu recommences tout à zéro. Mais t'es obligé de. Oui, mais t'as acquéri l'expérience qui fait que tu vas pouvoir faire les choses plus vite. Ouais, mais en termes. Et découvrir plus de choses. Donc à un moment, si. Ouais, mais en termes de ressources et tout, c'est compliqué. Faire une machine, bah je veux bien, j'ai toutes les connaissances, mais des trucs qui n'ont pas encore été inventés, tu vois. Après, boucler tout le temps, au bout d'un moment, je pense que même si tu as... Tu fais ça 5-6 fois, puis après, bah... Voilà. Bah après, tu te rebelles. Moi, ça fait 7 ans que je répète les mêmes choses aux gens au boulot, et ça rentre toujours pas, donc t'imagines boucler comme ça sans femme, bah, non. 5-6 fois, à coup de 18 ans parfois, ça te fait quand même un truc de au moins 60 balais, quoi. Même 80 balais, quoi. 80. Donc... Voilà. Ouais, mais après, est-ce que t'as la même relativité au temps, du coup? Est-ce que tu... Quand t'es petit, ça passe. Est-ce que tu utilises ton temps de la même manière? Est-ce que tu en profites pas pour faire des petits sommes de 12 heures par jour, 13 heures par jour, sachant que de toute manière, t'as encore du temps? Donc, à mon avis, tu dois avoir un rapport au temps, un rapport aux choses complètement différent. Ah, ouais. Je pense que la première boucle, tu dois être complètement... Je crois que tu dois vouloir la vivre à fond. Non. Ouais, la première boucle, ou complètement désorienté, tu... Bah non, la première boucle, tu la vis pas à fond, parce que... Enfin, tu fais attention, parce que tu sais pas si... Tu vas rebouler une deuxième fois. Tu fais attention, tu fais un peu les choses de loin. Exactement. Là, après, tu vois que, bon, c'est indéfini. Mais bah, oui, puis... tu sais pas, en fait, si c'est indéfini. Tu sais juste que... L'épisode de Stargate, où Oni les pointe dans la boucle, et puis après, ils jouent au golf à travers la porte. À travers la porte, oui. Au début, tu vois, ils font attention, puis après, ils s'en foutent. Oui, après, ils s'en foutent. C'est la... Vous l'avez pas vu, la saison 2 de Haruhi Suzumiya. Ouais. Où, en gros, ils sont bloqués dans une boucle temporelle pendant... Ah oui, tous les épisodes, et c'est... Pendant un peu les festivités de vacances d'été. Et en fait, week. Pendant toute la saison, je crois de l'épisode 2 à l'épisode 8, 9, même 10, ouais, t'as tout le temps le même épisode. Parce qu'en fait, ils sont bloqués dans une boucle temporelle. Il y a juste 2-3 petits trucs qui changent dans un certain épisode qui font qu'ils s'en rendent compte et qu'ils essayent d'évoluer. Mais sinon, t'as 6 ou 7 fois le même épisode d'affilée. Les 2-3 mêmes jours tout le temps, quoi. Ouais. Mais bon, c'est Haruhi Suzumiya, c'est complètement barré. Avec la saison 1, l'épisode 1, c'est pas l'épisode 1. Regardez dans l'ordre chronologique. Il faut regarder dans l'ordre chronologique, mais pas dans l'ordre des épisodes. Des sorties, ouais. Voilà, c'était ma question. Vous y avez répondu, vous avez débattu comme des champions, comme des chefs. Bah ça, c'était une question un peu... T'as envie de revenir. Est-ce que je te raconte mon rêve de cette nuit? Vas-y. J'étais Superman et j'ai perdu mes pouvoirs. Mais c'est vraiment... Ah, t'avais foutu une kryptonite dans le slip. Mais non, j'avais plus de pouvoirs, j'avais une cape. Juste une cape et le slip dessus ou dessous? Je sais pas, j'ai pas fait attention. T'en avais peut-être pas. J'avais une cape. T'avais juste la cape? Ouais. Bah non, mais t'étais quand même habillé. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé de Superman, c'est con. Fais pas ça. Bah, c'est peut-être parce que t'as dormi avec tous les comics autour c'est... de toi. Moi j'allais dire, c'est parce que tu dormais à côté de moi. Mais... Tiens, on n'en parle quand tu m'appelles Pélacuisse. C'était vraiment Pélacuisse, c'est vrai. Tu suis genre, désolé, hein. Comme si tu tâtais une cuisse de jambonneau. Tu fais, oh bah, celle-là, je vais la faire fine et puis. En vrai, je suis désolé, Vincent. C'était ma hantise, je me suis dit, je vais chier. C'était du jambon fumé. En fait, il est désolé d'avoir aimé ça, je pense. C'est vrai que je me suis réveillé. Ton rêve, ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur 9gag. Un petit strip où il y avait E-Man, et puis avec la même photo avec une cape, Superman. Et après, t'avais un mec qui disait I'm hungry, et un mec avec une super cape qui disait I'm super hungry. Voilà, j'ai fini, j'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire? Non, mais si, t'auras encore des trucs à dire pour après. Ah, et du coup, on va passer au. Du coup, enculerie de monsieur Gécrande 80. Oh oui, vas-y. Et en attendant, on va t'écouter. Ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Il y aura des trous du cul. Toujours. Et toujours un bout dedans. Toujours un bout de... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon alors, petit dossier, aujourd'hui, c'est le podcast de l'intellectualité, on va devenir malin. Ah, c'est où la sortie? Ouais, l'intellectualité. T'es sûr qu'on est invité? pour cet épisode, en fait, j'ai voulu me... Enfin, pour ce dossier-là, du coup, bon, il y a un petit peu de quiz, hein, c'était bien. Oui, forcément. Forcément, G81 représente. J'ai voulu me pencher sur le communisme. Parce que le marteau et la saucisse. La saucisse et le marteau. Parce que en fait, en 2017, bon, on y est encore, mais on a fêté le centenaire de la révolution d'octobre. Et ça fait des années que je me disais, mais en fait, le communisme, d'où ça vient, quels étaient les tenants et les aboutissants des cocos, des gros rouges. Le gros rouge. Pas vulgarité, s'il te plaît. Le gros rouge qui tâche, quoi. Voilà. Le clopipo, quoi. Voilà. Le clopipo. D'ailleurs, les origines sur la table, hein, ah, ouais. Pour les... C'est bon, ça. T'arrêtes pas, Gandalf. Non, je faisais passer les poids au wasabi, parce que vous comprenez bien que, vu mon état, on va pas aller loin, hein. Mais il fait pas tourner, ils ont le pot juste devant eux, ça c'est pour nous de voilà. Ce côté-là. Allez, bon, tu veux une frontière entre nous deux aussi? Ça va tourner à la guerre de tranchées, l'histoire. À la guerre de tranchées. À la guerre de trotskistes. Ah voilà, si tu veux. Oh, attention. Allez, vas-y, fais ta chronique et laisse-moi faire, vas-y. Te laisse pas perturber. Me laisse pas perturber par les cacahuètes qui... Fais ta chronique, bordel. Oh oui. Attends, pour une fois qu'on t'encourage à la faire, merde. C'est vrai. Après, on va me dire que c'est trop lourd, ouais, merci. Alors, on va commencer par une définition. Alors, bien évidemment, j'ai fait plein de copier-coller et Wikipédia. Hein, sinon, c'est pas drôle. Bon, je pense que il y a certains trucs que j'irai un peu plus vite, hein. C'était pour voir votre avis. Dans son sens d'origine et d'un point de vue philosophique, le mot désigne le communisme, une forme d'organisation sociale marquée par la mise en commun des biens. Oui, jusque là, ça se tient. En gros, on partage tout. C'est ça, voilà. On partage tout, même les... Même les galères. Même surtout les galères, je pense. Il peut désigner au sens large toute organisation économique et sociale dont la base est la propriété commune, par opposition donc à la propriété individuelle. Donc en gros on partage tout quoi. Bah c'est ça. Bah, surtout les galères. Surtout les galères. On est dans une boucle. Non, pas encore. Pris dans ce sens, le concept représente certains points communs avec la cité idéale telle que la définissait Platon, dans la République. Ah oui, d'accord. Ah, oui, voilà. Vous voyez que déjà, à l'époque, même Antoge, c'était des gros rouges. Oh là là, là. Tu vas arrêter de les appeler gros rouges, s'il te plaît. Qui tâche. Ouais, qui en tâche. Plus. Ça. Ça, c'est Robert Rouge, c'est le gros rouge qui tâche. Non, c'est surtout le gros gris. Le wasabi, le bah, wasabi, accident, qui tabasse le verre d'un. Accident de wasabi. Ouais, accident de parcours. Ouais. Donc en fait, alors Platon, il imaginait dans cette cité idéale, il imaginait trois classes. Il imaginait les travailleurs, les guerriers, hashtag ceux qui aiment la... Les mages et les archers. La bagarre. Ouais, ceux qui aiment la bagarre, bien évidemment. Et les dirigeants. Et parmi les dirigeants, l'élite de la cité serait appliquée la mise en commun totale des biens. C'est ce qu'ils font déjà, en fait. Hein. En fait, sur nos impôts, ils piquent tout. Voilà, ils se gênent pas. C'est du partage à pour vous. C'est bon. Et bien évidemment, alors c'est rentré dans le vocabulaire à partir de 1848 à peu près, hein, grosso merdo. Ah, il n'y avait pas avant communisme ? Si, si, un peu, mais c'est là que le mot était un peu plus normé, bien évidemment. C'est là que ça a été théorisé un peu. Voilà, ça a été théorisé par l'anarchiste, ouais, ouais. Par les certains, ce qu'on appelle les certains mouvements anarchistes à l'époque. Et après, c'est ce qui a donné, donc du coup, Karl Marx et... ouais. Friedrich Engel, qui a du coup, on a eu droit au, du coup, le manifeste du parti communiste, qui s'appelait pas comme ça, je crois que c'était le manifeste du communisme, mais ils ont préféré mettre parti après, parce que je sais plus pourquoi. Bref. Et par rapport au communisme, j'ai décidé de me pencher sur les deux pays qui ont le plus connu le communisme, bien évidemment, donc on va commencer bien évidemment par la Russie. Oui, bah oui. Voilà, c'est vraiment le plus connu. Et puis après on ira à Cuba. En Chine. Voilà, c'est tout en Chine là. Ah, la Chine, ouais. Même pas un petit Ceausescu. Un petit Ceausescu, j'ai un petit Corée du Nord. Tu vas nous la faire cool alors. C'est bon. Oh, elle est cool ça, ouais. Elle est cool. Elle est bien. On va commencer avec Vladimir. Hein? Avec Vladivladou. Les Vladivladou. Oh, ben non, je m'arrête bien avant Vladivladou. Hein. Vous comprenez bien. Gorbatchev. Gorbatchev. Donc en fait, pour comprendre aussi pourquoi ces gens-là ont viré Coco, hein, il faut surtout... Mais arrête d'en parler comme si c'était une tare. Mais je suis Coco, c'est bon. Non, mais ne dis pas virer Coco. Il est une tare. Il est une tare. En il y en a. Il y en a. T'es sûr qu'il en reste après cette nuit? Non, c'est moche. Ouais. Celle-là, elle est moche. Qu'est-ce qu'il reste de communiste en toi? En tout cas, t'as bien partagé avec le son. Au niveau du partage, de toute façon, il a tout mis. Hein, donc, il n'y a plus rien à partager. Là. Tenez, ceci est mon corps. Ceci est ma bile. Ceci est ma bile. Mon guacamole. Le guacamole. Quoi qu'on rigole, je suis encore un peu. Encore un peu pas lourd, les enfants. Donc en fait, je suis remonté jusqu'à l'Empire russe, parce que c'est ça qu'il y avait avant, hein. Les cocos ne sont pas débarqués avec leurs grands chevaux. Ah bon ? Ah non. Mince. Alors l'Empire russe se distingue du reste des monarchies européennes par une économie à l'époque peu industrialisée, donc c'est 1860 à peu près. Ouais. Des structures sociales encore très archaïques, dont les réformes, comme l'abolition par exemple, tu vois, du servage, c'est en 1861. C'est pas vieux, tu vois. Et à l'époque, tu vois, il y avait énormément de paysans là-bas. Je vais même noter, je crois, je sais plus si je l'ai. Ah, si c'est un peu plus loin. Donc, bon, bah, vous comprenez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ouvriers, même s'ils y sont mis après sur le tard, révolution industrielle, etc. Ouais. Mais parce que déjà, à l'époque, bah, vous voyez, en 1897, la Russie compte 97 millions de paysans pour une population de 127 millions d'habitants. En quelle année ? En 1897. Ouais, d'accord. Tu mets ça par rapport à la taille du pays, les mecs, ils devaient être solo quand même. Hein. Mais, je veux dire, ça fait un habitant tous les 100 km. Ouais, de toute façon, en termes de densité, même avec la population actuelle, ça fait pas énormément d'habitants. Hein, je pense que ça fait vraiment pas beaucoup d'habitants. Ouais. Ouais, ça, vous verrez qu'après, bien évidemment, fun fact, ça n'est pas allé en s'améliorant dans les années qui ont suivi. En plus, manque de bol, ben, ils possédaient pas leur terre. C'était à peu près 25% de propriétaires à partir de 1914. Oui, déjà, c'était pas énorme. Bon, bien évidemment, taux d'alphabétisation faible, mortalité infantile élevée, sinon c'est pas drôle. Vous comprenez bien que, voilà. Et donc, à la veille de la Première Guerre mondiale, il y avait la population citadine, c'était même pas, donc du coup, 25 millions d'habitants. Ouais. Ramené sur les combien du départ là 125 en 1897. Ouais. Ouais, c'est ouais. Même t'as renié au supérieur, tu vois, quand même. Ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, ça fait, ouais, ça fait un tout petit peu moins de 20%. Ouais, c'est pas grave. Sur la surface du pays, et le nombre de villes qu'il va y avoir à l'époque, c'est pas énorme. Ouais. Bon, en même temps, c'est russe. Bon, t'avais quoi? T'avais Saint-Pétersbourg, Moscou. C'était pas Saint-Pétersbourg à l'époque. Bah, Saint-Pétersbourg, c'était quand il y avait l'Empire. Et après, Stalingrad, c'était... Bah en fait, Saint-Pétersbourg, ça a été Stalingrad. Leningrad. Mais c'était Saint-Pétersbourg. Ça a été changé. Mmh. C'est la même ville. Ouais, c'est la même ville, mais... J'ai changé de nom, c'était peut-être pour afficher office. Je sais pas. Le culte de la personne. Copyright sur le nom. Copyright. C'est pas copyright. C'est pas copyright. Je ris parce que c'est drôle. Alors, faut savoir aussi que bon, à l'époque, tout le monde essayait de niquer tout le monde, hein, aussi, hein, parce que c'était à l'époque automobile. Déjà, et là, les années 60. Ça paraît plus, toi. Les petits Prussiens, hop, ils vont jusqu'à Paris, tout ça, hein, je m'en rappellerai, c'est à peu près à l'époque, voilà, les Cosaques, c'est. Bien chaud au froc. D'ailleurs, c'est ça qui avait beaucoup après animé le sentiment nationaliste. Bah, l'Alsace et la Lorraine, c'est là qu'il lâche au départ. 1870 Ouais. La guerre de Sedan. C'est ça. Cyrano de... Non. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'ils veulent faire avant les petits Russes? Bon, ils voient les petits, il y a les petits Chinois. Les petits Chinois, ils sont là, ils sont tranquilles, ils sont pépères. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire les Russes? Ben, ils vont attaquer les petits Chinois. Sauf que bon, qui c'est qui se ramène? Les Japonais. Voilà, les petits Japonais, ils se ramènent. Avec leur empire de ouf aussi. Voilà. Bon, il y a 50 ans, ils étaient encore avec leur samouraï, ils couraient avec leur... Ouais. Avec Tom Cruise, non? Voilà, c'est ça, ils étaient encore avec Tom Cruise. Ah ouais, carrément. The Last Samurai. Le dernier samouraï. Voilà. Hashtag, faut jouer à Total War, très bien. Et donc, bien évidemment, ceux qui devaient arriver à Iva, ils se sont pris une tannée, nos amis les Russes. Ouais. Mais pour de vrai, en plus. Ils se sont fait démonter. Ah oui, ils se sont fait démonter. Sur quoi? Sur le front chinois? Ouais, sur le front chinois. Donc bon, on va dire que la Russie, c'était pas trop ça, à l'époque. Donc forcément, c'est là que on va arriver chez nos petits à la transformation. C'est à cause de l'effort de guerre, bien évidemment, que à l'époque, la population en avait ras la caquette, en 1917. Et là, c'est là qu'il a commencé à avoir énormément de mouvements sociaux, en fait. Sachant que déjà, les années d'avant, il y avait eu, je crois qu'il y avait eu une révolution aussi au début du 19e, enfin pas une révolution, mais le tsar il avait senti le. Il avait senti l'entourloupe. Il avait déjà commencé à mettre de l'eau dans son vin avec la Douma. Oui. Voilà, c'est ça, il avait créé la Douma. C'est quoi la Douma? C'est une assemblée parlementaire. Il y avait les blancs d'un côté, les rouges de l'autre. Les blancs étaient pro-impérialistes et étaient plus tendance à amener à contrôler la Douma. Et contre ceux qui justement commençaient à créer les soviets, les kolkhoz et tout le. Pour moi, c'est une monarchie parlementaire un peu quoi. On était plus dans ce système-là où le tsar commençait tranquillement à essayer de, sans vraiment abandonner ses pouvoirs, à déléguer une partie de ses responsabilités et des actes, des décisions à prendre à la Douma, justement, qui existe encore, qui est toujours à majorité blanche, d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est toujours une majorité de pro tsaristes ou royalistes ou empiristes. Ouais, et justement pour s'enlever la pression de la décision. Et en fait, il a inventé le fusible. Oui. Il a mis en place, il a théorisé le fusible. Voilà. C'est ça. Tout simplement. C'est une belle idée. La dissémination de la responsabilité. Ouais. Sauf que forcément, avec l'effort de guerre, il arrive ce qui arrivera. Forcément, parce que plus de thunes, plus personne n'a de la thune. Surtout que les Russes à l'époque, ils étaient bien chargés en plus. Sur le front de les Italiens se battre contre les Prussiens, ils s'étaient pris un peu dévolés. Hein. Donc forcément, c'est ce qu'ils mettaient. Hein, ça éclate alors, pour le poids économique de la guerre, perte sur un front réduit à une stratégie défensive, instabilité des dirigeants et défiance vis-à-vis du tsar. Hostile à toute réforme, parce que forcément, pas trop non plus. Le pouvoir de droit divin, tu le lâches pas comme ça, à mon avis. Voilà, c'est ça. Il y en a qui l'ont lâché, mais la tête, elle a roulé. Ils l'ont lâché en même temps que la tête. Ouais, c'est ça. Ouais, alors que c'était pas forcément les plus fautifs. Non, et c'est vrai en plus. C'est là où tu dis, putain, c'est moi qui paye la note alors que c'est les autres qui ont fait les comptes. Mais c'était assez de parler à la machine, du coup. Rasputin, c'était oui, avec le tsar. Oui, oui, oui. Oui, c'était la famille impériale, un des fils qui avait des problèmes grosse de sang. Influence de Rasputin aussi, ouais, qui ne se calmait que quand c'était Rasputin qui s'en occupait. Enfin, il y a une grosse part de mystique autour du personnage. En même temps, vu la tronche du bonhomme, moi aussi je me calme hein, s'il vient me voir. Qu'est-ce qu'il normalement, la longueur de ça. Oui, pareil. Je sais pas, Gandalf était jaloux à une époque, mais ouais. Ça t'est passé. Non, oui. Ça s'est interrompu. Désolé. Oui, visiblement, Rasputin, oui. Ouais, qui a influence. Grosse influence, surtout auprès de la tsarine. Ouais. Mm. Ouais. C'est que le fils était très malade. Donc, première révolution au mois de février de 1917, voilà. Ouais. Et la Russie devient république. Donc, on essaie de mettre en place un gouvernement provisoire qui est présidé par Alexandre Kerensky. Mmh. Sauf que Kerensky, je sais plus lequel c'est. Sauf que bien évidemment à l'époque nos amis les révolutionnaires russes ont senti l'opportunité. Ah, c'est le cirque. C'est le cirque. Pardon. Donc bien évidemment, ils ont essayé d'impulser des réformes, mais bon, vu l'état catastrophique du pays, certains en ont profité pour faire leur putsch. Pour faire leur putsch, et c'est ce qui s'est passé, voilà. Le 25 octobre 17, voilà, le gouvernement a été renversé à Saint-Pétersbourg. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui communément la Révolution d'octobre. Alors, à l'époque, je pourrais aussi noter qu'il y a eu pas mal de trucs, tu vois. Alors, déjà, ils ont commencé à signer la paix avec les Allemands. Oui. Un truc qu'ils ont fait. Grosse concession là-dessus. Donc, oui, alors d'ailleurs, à ce sujet-là, l'histoire de la paix signée avec les Allemands, ça a quand même mis un petit coup à tous ceux qui avaient favorisé le retour de Lénine. Ouais. Parce qu'ils comptaient bien l'envoyer là-bas. D'ailleurs, il a été financé avec des fonds européens, enfin, de l'Ouest. Oui. Justement pour qu'on le renvoie là-bas, qu'il maintienne un régime et qu'il continue à garder le front, un front ouest pour inquiéter l'Allemagne et justement ne pas les tranquilliser dans le cas où ils commenceraient à se montrer un petit peu belliqueux. Quand il est arrivé là-bas et qu'il a commencé à signer un petit peu tous les accords et que les Allemands ont pu se dire « Ah bah c'est bon, de ce côté-là on est peinard », c'est là où les choses ont vraiment un petit peu, démarré. Donc là, tu vois, le communisme, moi en soi, il ne me dérange pas, moi, mais il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit à petite dose. Ça. Mais avec des mecs comme ça, comme le pastis. Franchement, comme le non, pastis. Non, le pastis, moi, c'est juste une dose et un glaçon. Lénine, tu peux en tenir. Moi, je fais un yaourt. Du pastis pur, juste avec le glaçon. Hein. À noter que tu peux toujours planter quelque chose dans Lénine. Hein. Comme on fait chez nous à l'incarne. Ça, c'est toujours possible, par contre. Donc, voilà. Ouais. Et après, en plus, Lénine était très pour la libre. Ce qu'on appelle l'auto-indépendance des peuples. Mmh. L'autodétermination. L'autodétermination. Donc lui, Catalogne et tout ça, il donne. Ah, une grosse pensée pour mes amis catalans. Hein. Vas-y, reprends du mot, Samy. C'est bon, mais ça pique. Hein. Voilà. Ouais. Ah, mais c'est bon. Wasabi, c'est plus tu le gardes longtemps en bouche, plus ça pique. Faut le préparer. Mais ça dépend de certains, il y en a, ils tabassent. Alors c'est comme le communisme, plus tu l'as en bouche, plus ça pique. J'ai jamais testé. Le communiste en bouche. T'as jamais testé le communiste en bouche ou... Allez, hop. C'est le flux complètement qui est cassé. Ah bah, Lily nous disait qu'on était hors ligne. Donc... Ah, bah, doit y avoir des instabilités. Dis-lui de refresh. Non, mais. Ça, c'est à force de tout mettre en commun. Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, les communistes ne sont pas d'accord entre eux. Hein. On avait les bolcheviks et les mencheviks. Les mencheviks, ouais. Ça veut juste dire les majorités. J'ai 40 piges. Hein. Ouais, je travaillais bien à l'école et j'écoutais les cours d'histoire géo parce que j'adorais ça. Et en fait, j'ai pas de mérite. En fait. Moi, l'histoire géo. Mais ça m'empêche pas de dire des conneries. Des fois, je peux me tromper. En fait, c'était les majoritaires contre les minoritaires. Ouais. Et j'avais une très très belle collègue de banc qui était polonaise et qui m'a fait adorer l'histoire. Bah, tu sais, une Polonaise qui te fait aimer la Russie, c'est un peu bizarre. La Pologne. Oui. C'est comme l'Allemagne, hein. Ils sont pas trop copains. Non, pas du tout. Sous Clinton. Donc forcément, après, voilà, en 22, ça se tasse un peu, hein. Ah bah oui, bon, après, il y en a un qui fait une crise. Pourquoi en 22, qu'est-ce qu'il y a de particulier en 22? Parce qu'il y a vu, entre les deux, il y avait la petite guerre civile, tu vois, c'était ça, toi. Ah, je l'avais pas, celle-là. Ouais. D'accord. Toi, bah, c'est ce que tu disais, les Blancs contre les Rouges. Ouais, ouais, mais je pensais que c'était... je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Et bon, bien évidemment, il y a un moment, il y en a un qui fait une petite crise cardiaque, il y a un petit coup de moins bien. C'était qui? Le petit Lénine. Ah, c'est à ce moment-là? Un peu plus tard, tu vois, parce que moi, j'ai pas d'autres... D'ailleurs, on parle de Lénine, on parle de Lénine. Vous connaissez tous le nom complet de Lénine. Léninovitch. Non, c'est... C'est son label. Ah, le commandant Soret, parce que Michel Sardou en a fait une chanson. C'est Olevitch, mais... Vladimir Ilitch Ulyanov. Ulyanov, voilà. Ulyanov. Dit Lénine. Vous pouvez m'appeler Lénine. C'est comme Pelé. Edson Arantes Donacimento dit Pelé. C'est comme le BHL, c'est Bernard-Henri Lévy. Non, c'est je raconte de la merde. C'est marrant parce que moi chez moi BHL c'est PLS. C'est PLS. Tu vois, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Alors, on était en 22. Voilà, on était en 22. Bon, il se passe quelques trucs. Mais surtout, moi ce que j'ai noté, moi je voulais noter les étapes clés de la, de la Russie. C'est surtout qu'à l'arrivée de Staline aussi au pouvoir, il a décidé de durcir un peu le ton, et qu'est-ce qu'il a décidé de faire si un petit nettoyage. Il a musclé son jeu, non? Voilà, il a musclé son jeu, il a fait ce qu'on appelle... Petit bonhomme, petit bonhomme, Staline. C'est pas Zizou. Ouais, c'est pas Zizou, hein, petit bonhomme. La collectivisation des terres. Les kolkhozes. Ouais, les fameuses. C'est ça? Il y avait les kolkhozes et les sovkhozes aussi. Ouais, les sovkhozes. Les kolkhozes, c'était les fermes, non? C'est ça. Et... Ça c'était moche. Il y avait un très bon article, un très bon dossier complet du National Geographic, là, le magazine Géomag, le magazine Géomag, justement cette année, qui faisait un spécial centenaire de la Révolution russe. Et il montrait des images d'époque là-dessus, où tu te dis, mais enfin, c'est pas possible, pieds nus dans la gadoue à moins de 10 degrés, enfin, c'est de la folie. C'était très bien documenté, j'ai adoré ce numéro. C'est ce qu'on a appelé, qu'on appelle communément aussi le maître. C'est peut être considéré comme la dernière guerre paysanne de l'histoire européenne. D'accord. Ouais. Les John Deere contre les Cassé des Trois. Contre les Bassé Ferguson. Les quatre. Ouais. Bon, autant te dire qu'il y a eu un peu beaucoup de morts avec la famine que ça entraînait derrière. Et les famines successives aussi. Voilà. Hein. Ça, faut pas déconner. Hein. Et donc, oui, voilà, bon, après, c'était l'histoire globale, là, je fais l'histoire globale de la Russie, après, il faut savoir que... C'est très global, là. Voilà, c'est très global. Mais c'était surtout le début que je voulais, parce qu'après, la suite, le mur, tout ça... Tu vois, ça aurait été bien, parce qu'on parle du communisme, pas, comment il est arrivé, mais moi, tu vois, comment il est tombé. Ah oui, ouais, mais je préférais tout le... Là, c'est pas mal, avec la perestroïka, avec l'arrivée de Gorbatchev... Je voudrais peut-être un autre. À Mexico. Oui. Assassiné. Mais ça aurait été bien, ça. Voilà, donc ça c'était pour la Russie. Après voilà, il y avait des documentaires qui étaient passés aussi sur Arte. Mmh. Donc un assez très bon, il y en avait un sur la figure de Lénine, qui était plutôt intéressant, mais un qui était beaucoup plus intéressant, je trouve, c'était sur le rôle des premières dames. Ah, c'est vrai qu'on en parle jamais des femmes dans le communisme. Mais c'était ça en fait, on a vu beaucoup comment s'appelait qui avait fait la photo avec Jackie Kennedy, mais justement. Elle fait la photo avec Jackie Kennedy. Ça me rappelle du tout, tu vois. Comment il s'appelait lui? C'était. Merde. Ah. C'était celui, juste après celui-là, après Staline, je crois en plus. Staline, après Staline. Ouais, c'est pas Khrouchtchev. Camarade Khrouchtchev. Oui, c'était Khrouchtchev. C'est celui qui a fait. C'est celui qu'on cite dans le film Leningrad quand il passe en revue les troupes. Oui, Khrouchtchev. Oui, voilà, donc vous pouvez vous intéresser sur ça. Nikita Khrouchtchev. Voilà, Nikita Khrouchtchev. Et après, il y a aussi un joli... Georges Marchais. Ouais, un joli passage non, sur la femme de... Enfin, la compagne, plutôt. Pas sa femme, la compagne de Lénine. Qu'il avait... En fait, elle était... C'était une belle oratrice et tout. Il s'en est un peu... Il s'en est beaucoup servi pour... C'était une jolie... J'ai un grand blanc, là. ouais, mieux. J'ai un grand blanc, là, sur ce sujet. La femme c'est de Lénine, ça me parle pas du tout. Et ouais, ils ont... Nadezhda Krupskaya. Ouais. Salut, David. Et ouais, c'est... Salut le nain. Et c'est... On va repartir direct. Et c'était intéressant, non, mais... Ouais, après tout ça, jusqu'à... Et ça va jusqu'à, même, ils ont été moins sectaires que moi, ils sont allés jusqu'à aussi la figure de Poutine aussi. Sa femme aussi. Il vient de réannoncer... Pourquoi? Attends, Poutine, il a une femme? Oui, il y avait. Ouais, non, non, mais là, je te jure, c'est, je ne sais pas là. Du tout. Ils ont divorcé. Il a deux filles. Je te jure, j'y ai même jamais pensé. J'ai jamais pensé qu'un mec comme ça puisse avoir quelqu'un qui s'intéresse à lui et qui puisse l'aimer. Mais non, mais il y a deux filles. Là, honnêtement, je viens de prendre un camion dans la gueule. Attends, c'est tellement une icône en Russie. Ouais. Non, non, mais enfin, moi, franchement. Après, qu'il s'intéresse à lui, ouais, parce qu'on a une. Je viens d'être confronté à une réalité que je n'avais pas fait, mais c'est Nicolas. Oui. En Russie, ah ouais. C'est Nicolas, ouais, d'accord. C'est pas le choix. Mais d'ailleurs. Le commissaire du truc, tu vois. Regarde, non, mais la Corée du Nord, ils adulent tous Kim Jong-un. Ouais, ouais, non, mais. Moi, perso, tu vois, Poutine a maqué avec quelqu'un, franchement, ça me. C'est quand même le mec le plus riche du monde, presque. D'ailleurs, je comprends même pas que ça me. Le problème des mecs le plus riche du monde, c'est plutôt le roi du Maroc, lui, putain, il a eu pognon. Ah, et son avocat, Dupont-Moretti. Non, mais je le dis parce que je pense que ça va faire plaisir à David. Tu vois, David, t'arrives au meilleur moment. Voilà. Voilà, voilà. Et quasiment toutes les sociétés d'État là-bas. C'est un complot. C'est pour ça qu'on dit souvent aussi que le communisme, c'est une sorte de. Surtout traité comme ça, c'est du capitalisme d'État. Ouais, c'est pas cool. Ouais. Certain. Et donc, ouais, dans ce documentaire, oui, alors, et on revient surtout sur, souvent sur la figure de. Ben, de le peuple. Ouais, le petit père du peuple. C'est ça, voilà. Non, c'était Staline. Tiens, d'ailleurs, vous avez déjà vu Staline, comment c'était un beau gosse quand il était jeune? Ça, c'est trop drôle. Ouais. Staline, c'était genre, il avait une gueule de mannequin, tu sais. Je voulais faire un compte Tinder avec des photos de Staline quand il était jeune. Je te jure, je suis sûr que ça match. Honnêtement, je suis pas fan. Ça va matcher. Ah, Staline, non, franchement. C'est... Non, mais quand il était jeune. Stallone. Franchement. On m'a dit que je ressemblais à Alain Delon. Bah, moi, c'est à Stallone de loin. Staline, à Joseph Stallone. Sylvester Staline. Bah, déjà vieux, il était pas beau, mais alors jeune. Non, ouais, c'est l'image, tu vois. Allez, maintenant, on va passer à quoi aussi? Parce que là aussi, c'est pareil, on sait pas trop. On va parler de mes amis AliExpress. Tiens, yes. Ça me manquait, ça. Mais t'es sérieux? Mais tu disais qu'il était court, ce dossier, mais est-ce qu'il y a fait que la moitié? Arrête, il aurait été en concentration, il aurait été plus épais. C'est très bien. Non, mais après, c'est plus pour remettre, pareil, tu vois, des deadlines. De calotte. C'est ça, il y a pas de témoins. Ah, mais alors, du coup, oui, ouais, ok. Non, mais j'ai du mal à faire la transition. C'est pas Staline, ça. Bah, si, c'est lui. C'est Trotsky. C'est pas Staline, c'est Mario. C'est Staline. Et Luigi, son frère, hein. On y pense à lui. Je dis pas de conneries, Noé. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Non, je suis pas fan. Il en fait tomber des zoulettes, quand même, Staline. Carrément. Oui, c'est ça. Bah, à cet âge-là, il en a fait tomber dans la fosse, oui. Un peu plus tard, il s'est pas gêné, ça c'est sûr. Hey, les grandes purges, c'était avant 36. Hein. Ah, et puis lui, c'était pas lui Doris, hein, je te le dis. Regarde le chat, Toche. Ah, vas-y, poursuis. C'est le trigger. Allez, continue. Allez. Alors, la Chine, maintenant, on passe. Oh, putain, ce rire. Ah, le début, j'ai démarré. Alors, mes amis, ça ne saurait tarder, oui, je sais. Mes amis, les Chinois, alors frustrés par les résistances de la cour impériale aux réformes, bizarrement ça me rappelle quelque chose, de jeunes fonctionnaires, officiers, étudiants, inspirés par les idées révolutionnaires de Sun Yat-sen, je ne sais pas si je prononce comme il faut, commencent à envisager le renversement de la dynastie Qing, ou du Xing aussi, je ne sais pas comment il faut le dire. Au profit du c'est Qing. C'est ça, le Q se prononce, ouais, c'est ça. Ouais. Le X. Donc révolte militaire. Hashtag comme à ce brave Robert Mugabe. Petite révolte militaire, au lieu de te faire entrer dans le rang. Soulèvement de Xuyang. Et tout ça, c'était un. Xuyang, il était pas chaud. Xuyang. Je suis moins fort sur la Chine. Ah. Et en 1911, donc du coup, on a le renversement de l'empereur. Et voilà, on est content. Donc après, du coup, D'ailleurs, dans les partisans de l'empereur, t'avais d'un côté les nationalistes et d'un côté les communistes. Et ils se sont foutus plein sur la gueule pour savoir qui allait prendre le truc. C'est ça, et les nationalistes, ils se sont cassés à Taïwan parce qu'ils se sont fait exploser par les Il m'a tout spoilé. Oh, pardon, c'est bon pour arrêter. C'est pas la révolution des boxeurs. C'est quoi le jour des boxeurs ou je sais pas quoi? Si, je croyais aux boxeurs. Il y a peu de tout. C'est ça. Il n'y avait pas eu un film là-dessus? La révolte des boxeurs. La révolte des boxeurs, c'était pas ça? Peut-être. Là, je suis peut-être hors sujet. Non, s'ils en parlent dans Bioshock 3, c'est pour ça. Bioshock. C'est vraiment plus. Et alors, dans les années 20, tu vois, alors il y avait notre ami Sun Yat-sen là. Il essaie de réunifier la nation, parce qu'à l'époque, tu sais, c'était comme c'était l'empereur, c'était, comme c'était des gros territoires, c'était encore avec des. Les clans. Ouais, les clans, voilà, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Des Landers. Des Landers, voilà. Oui, on va dire ça comme ça, ça me plaît bien. Ça fait très écossais. Mark Landers. Landers, ouais. Mark Landers, ouais. Oui, tombe à attention, bientôt, il y a un nouveau dessin animé, oui, Tom. Oui. Non, tais-toi. J'ai vu ça. Tais-toi. Il a pas fini l'ancienne version. J'ai pas fini de me refaire la première version, donc. Quand même. Pas me, hein. Non, pas me. Non, mais c'est en fait, ils reprennent. Hein, en fait. C'est pas nouveau. Est-ce qu'il y a la catapulte? Ah oui, il y aura la catapulte. Il y aura tout. Si il y a la catapulte, la catapulte infernale. Voilà. En 1900. Bon, ce brave monsieur-là qui a fait monter la révolution en 1925. Il décède et il y a un certain Chiang Kai-shek qui prend le contrôle de son parti. Sauf que forcément, les gens ne sont pas contents et le parti se coupe en deux. Donc forcément, du coup, comme le disait notre ami Noé, on s'est retrouvé avec les... Oui, désolé, je t'ai spoilé. Les nationalistes et les cocos. C'est ça. Grosso avec la Guillée versus Le Pen. C'est ça, si tu préfères. Sauf que, bien évidemment, qui c'est qui débarque? Encore une fois... Albator, japonais. Ah, petit japonais. Non, Captain Planet. Captain Rémy, attendez, j'ai ça sur ma bucket list, je vais vous libérer les chinois. PS, j'ai un Tipeee si vous voulez voir mon DVD. Abonnez-vous au Tipeee, au Patreon et mettez 5 étoiles sur voilà. Twitter. Donc, sur Twitter. Non, sur Twitter. Sur iTunes. La machine à thunes. Donc en 1934, ben voilà, c'est là qu'arrivent nos amis, même 31 pardon, même nos amis les Japonais en Mandchourie et je pense que pas besoin de polémiquer là-dessus. C'était un peu, il y a eu légèrement de la sanquette, on va dire. Voilà. Un petit peu de tension. Les magouilles et compagnie. Et là on est en quelle année déjà? En 31. D'accord. Donc après bon, nos amis les cocos, nos amis les nationalistes, eh ben, ils se sont repris un peu par la main, bon pas trop quand même parce qu'il faut pas déconner, ils ont décidé de lutter contre l'envahisseur. Là c'est pareil, j'aurais pu en parler aussi parce qu'il faut se rappeler aussi que quand on parle souvent de Seconde Guerre mondiale, on passe surtout France, tout ça, et etc. L'Europe. Voilà, mais il y a eu pas mal de guerres aussi en Asie, etc. Contrôle avec mené par les Australiens, etc. Ne serait-ce que cette période qui sert de background à la très grande série des têtes brûlées, où Papy Bonington était engagé volontaire dans les tigres volants, auprès des forces chinoises. Je préfère Papa Schultz. Papa Schultz, c'est un peu plus tard et c'est un peu plus à l'ouest. Je n'ai rien vu, Colonel Klink, y'a vol. Biberonné à Papa Schultz. Ah ouais. Moi c'était midi. Moi c'était midi et Zouzou. Ah c'était sur la salle. Mais on a 20 ans d'écart les gars. N'oubliez pas. Et à partir de 1934, c'est ça que les. C'est là que Mao a commencé à entreprendre sa longue marche. C'est la guerre contre. Avec le but c'était d'aller voir les langues là qui étaient tout seuls. Les gars, venez avec moi. C'est ça, venez avec moi s'il vous plaît. Vous verrez, on sera bien. Bon, bien évidemment, il se passe plein de trucs. Après, les Japonais, ils font des trucs partout, par terre. Il faut se rappeler aussi que c'est pas forcément aussi à l'époque aussi les bombes atomiques qui ont fait petit le Japon aussi. C'était souvent. Ça les a bien aidés quand même. Hein. Oui, ça les a... Franchement, quand t'en prends deux en moins de 6 jours sur la gueule, je pense que. C'est surtout en fait quand les Russes ont décidé de déclarer la guerre souvent, on passe un peu sous silence, c'est ça, mais. Et c'est aussi ça qui a fait aussi bien pencher la bascule, parce que la Mandchourie, tout ça, la Corée, etc., c'était japonais, tout ça. Donc ça les a fait un peu... Des miquettes. Ouais, des miquettes au cul. Enfin, je pense que moi, tu me sortiras pas de l'esprit que si tu leur mets pas les bombes atomiques sur la tronche, ils s'arrêtent pas. Bon, je pense que la Russie aurait pu les faire plier. Bah écoute, on va pas réécrire l'histoire. Tu reviens tes corps de moins 72 ans et puis tu changes l'histoire. Non, mais David, il a dit que le Japon voulait capituler avant les bombes, donc moi je prends David, je prends le chèque. Pas de soucis. Ah, il y avait un mouvement qui voulait. Par contre, il y avait un fort mouvement anti-guerre, oui. Ça, c'est vrai. Par contre, parce que les conneries, ça va 2 minutes. Les conneries, ça. Donc après voilà, alors à partir de 45, eh ben, c'est le retour de tout le monde, le retour du Jedi, voilà. Donc nos amis les nationalistes, donc avec Chiang Kai-shek, bon mais forcément ils sentent un peu arriver la mouille, ils se barrent à Taïwan, qu'on appelle Taïwan mais que techniquement il faut appeler la République de Chine. Oui, exactement. Taïwan. Ça, c'est ce qu'on oublie parce que pendant longtemps, ça n'a pas été les deux. Enfin, il n'y a qu'une Chine en fait, techniquement. Ouais, c'était deux pays. Et j'ai une petite question. Oui. Le manga Jim le Rouge K, là, ouais. qu'on a lu, ça se passe du coup avant ça Ah oui, c'était pendant les grandes purges staliniennes. Oui, c'est, je dirais que le manga. 33, 36. Ouais, ce sort par là. Ouais, à peu près. C'est pendant les grandes purges. Oui, c'est vrai que très bon manga. Oui, c'est vrai. J'avais oublié ce petit détail. Et c'est à partir de 1905, donc 49, que la République populaire de Chine est déclarée. Et mon ami Mao Tse-tung, il arrive, il est content, il est... Avec son petit livre. Avec son petit livre. Ah, ça viendra un petit peu après. Bibliothèque rouge. Les étudiants en fac de psycho, là. Rennes 2, là, c'est bon. Hein. Oui, ouais. Tu vas me lâcher la grappe avec Rennes 2, s'il te plaît. Je suis en week-end, bordel. Sarouel et les livres. Les flumes du fleur du pays, là, je sais pas quoi. Et Paris Jackson, la fille de... Ah, pardon. Du ukulélé, là. Viens me lire mon livre rouge. On va aller un peu... On va faussement accélérer. Hein. C'est surtout aussi, on peut noter que... Qui dit sur le chat, ça va être énorme. Oui. Il y a David qui est déchaîné sur le chat. David, il a pété une coche. Faut noter aussi que c'est en 66, donc on a eu la révolution culturelle. Qu'est-ce qu'il a marqué? C'est juste que David, il demande si c'est Noé qui parle comme péremptoire. Non, mais il n'y a que péremptoire ici, en fait. Hein. Non, en fait, il n'y a que péremptoire. Depuis tout à l'heure, il n'y a que péremptoire. C'est qui péremptoire? C'est Sophie. C'est Sophie. Enfin, c'est moi, Sophie, s'il vous plaît, mes parents écoutent. Bon, vas-y, finis. Oui, J'écoute. Petit poulet. Non, mais il n'arrive pas à en placer une. Mais oui, c'est vrai, en plus. Donc, en 66, donc, il y a eu la révolution culturelle. En fait, le but de la révolution culturelle, ça avait été pour Mao de... purger le parti en fait, c'est un des mouvements dissidents, sauf que bien évidemment les jeunes avec qui il avait monté un peu le bourrichon, on va dire, et ben ils sont allés un petit peu loin, et un petit peu, vous voyez, il y a eu un peu des accidents de parcours, mais bon, ça c'est pas grave. Ah, la grande marche. Ah oui. Et après, forcément, ben, le communisme, ben, il s'est un peu pété, il s'est pas pété la gueule, mais après, voilà, comme dirait l'autre, Deng Xiaoping il est arrivé. Il s'est dit, bon, quand même, l'économie de marché, tout ça, c'est quand même un petit peu mieux, hein, parce que bon, on rigole là, mais voilà. Surtout que, voilà. C'est pour ça que, du coup, on a, quand tu reçois un magnifique colis AliExpress, tout ça vient de Zeng Zeng, là, ou je sais pas quoi, là, Z-H-E-N, mais c'est vrai, en plus. C'est Deng Xiaoping qui a ouvert ça, c'était la première zone économique. Hein. Ah bon? Ouais. C'est une zone économique spéciale, pas, ça s'appelait. J'avais pas le souvenir. Ouais. Oh putain, comment il est en train de se faire pourrir. Parce que t'as David qui demande sur le chat à qui en fait c'est la rubrique de qui que je fous en l'air. Donc on répond Gandalf. Ouais. Il a dit que c'était pas grave parce que si j'ai des scrupules ou pas. Non. Et du coup il fait ah, le type qui vient jamais à Podren. Donc en fait ta chronique elle est morte. Il a enchaîné Gandalf à Podren. Gandalf à Podren. Faut mettre des sous, bourrer des dons sur le Tipeee. Lance le hashtag Gandalf à Podren. Ouais. Gandalf à Podren. Alors si tu veux emmener Gandalf à Podren, déjà faut lui payer du smecta pour lui faire un bon emplâtre. Faire un bon ciel. Parce que ça. Franchement, même si il met, c'est l'avion. Parce que franchement il est monté fragile le garçon. Trois prunes, il est au lit, c'est pas beau. Bon allez, de Xia Xiaoping à Xia Xiaoping. C'est bien, j'en ai le tout. David Van Honecker. Ah là là. Et Alex, Alex David. Ah là là là là. Non, je vais vous faire le vocabulaire des petits russes. Alors, perestroïka. Alors le bol, alors les bolcheviques, qu'est-ce que ça veut dire bolchevique? Les camarades. En fait, moi c'est une définition, c'est pas forcément le mot des fois. Non, honnêtement, je l'ai pas. Donc en fait, ce sont les membres d'une des deux factions du Parti ouvrier social-démocrate de Russie créé en 1903 sous la direction de Lénine et majoritaire au sein du POSDR, devenu ensuite parti indépendant en 1902. Et les mencheviks, c'est ça. Ben, en fait, c'est ce que je disais, les mencheviks, en fait, ça signifie juste minorité. Sur la ah, d'accord. Et les bolcheviks, en fait, c'est la majorité. Tu vois, si après, il y avait quand même des grosses différences. Les bolcheviks menés par Lénine prônaient l'organisation d'un parti de cadres formé de révolutionnaires professionnels par opposition à la conception des révolutionnaires professionnels. Ouais. Oui. Là, tu me vends du rêve. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis révolutionnaire professionnel. Pardon, j'ai monté ma petite start-up de révolution. Ouais, ouais. C'est genre Voltron qui fait des prestats. Qu'est-ce que t'es où là? Bah là, je suis en Russie et dans 2 mois, bah dans 2 mois, je suis à Cuba. Ah ok, et après tu fais quoi? Bah la Corée. Ah putain. Et donc, et par opposition à la conception des Mensheviks qui, autour de Julius Martov, préconisait un parti de masse où l'adhésion était ouverte au plus grand nombre. Alors, et le soviet, qu'est-ce que ça veut dire, soviet? Le soviet éponge. Non, ça c'est Gandalf. Merci, Coluche. Le soviet, bah, c'est la réunion. Non, c'est de... C'est ça, en fait, c'est ça, c'est conseil ou comité. Ouais, c'est le comité, c'est le soviet suprême. C'est ça. C'est le comité suprême. Le kolkhoz. Le kolkhoz, c'est les camps de travail. C'est ça, c'est une coopérative agricole. C'est les fermes collectives, voilà. Coopérative agricole de production. La perestroïka. C'est la réconciliation. Non, c'est Glasnost, la réconciliation. Non, chose, C'est la rupture de la période de froid, je sais pas quoi. Ouais, c'est le déjeuner. Oui, c'est quand les. Alors attends, perestroïka, ouais. C'est pas la reconstruction ou un truc si, comme c'est ça, c'est la restructuration. J'aurais dû faire russe en première langue. Un apparatchi. Ah, c'est un membre du parti, c'est un membre de l'appareil. Et il fait partie du coup. Un apparatchi, c'est ça, du parti. La parachute, il fait partie, c'est le membre de la nomenclatura. Ouais. Donc après, on l'a déjà cité, mais la Douma. Ah, je suis bon en soviétique. Ça, voilà. Ça c'est le Parlement. Ouais. Putain, ça commence à balancer du Laurent Doucet sur le live. La Pravda. La Pravda, la vérité. Ouais, c'est la ça. La Pravda de Prague, ouais. La vérité. L'article la connu. C'était le journal Pravda. Officiel du parti communiste. Oui, exactement. Le prolétariat. Ça, c'est les prolos, ça. C'est ça, c'est les prolos. C'est les prolos. Les prolos, c'est la classe ouvrière, les travailleurs. Ah, ça c'est pareil, alors si vous. Pour trouver une définition honnête quand même, hein, le socialisme. Le socialisme, appelle Macron, je crois qu'il en a une très bonne définition du socialisme. Appelle Macron. Suis socialiste. Non, mais c'est une très bonne chanson des rois de la Suède. Socialiste. Ok, d'accord. Socialiste. Du sous-groupe. En fait, c'est un système économique qui repose sur la propriété collective des moyens de production et. Caractérisé par la disparition des différentes classes sociales. Je vais juger là-dessus. Hein. Soviète. Non, ça, non, mais je l'ai dit ça. Soviète, tu l'as déjà dit, ouais. Ouais. Soviète, c'est genre quand t'es trop vietnamien, ouais. T'es soviète. Ah. Oh, fais attention avec les vietnamiens parce que ma tante est vietnamienne, d'accord? C'était pas méchant. J'espère bien. Si tu veux pas repartir à pied, déjà si tu veux repartir tout court, ce sera pas mal. Là, c'était l'erreur diplomatique. Voilà. Ça va être l'escalade. L'escalade de la violence, la troïka. La troïka, il y a la perestroïka qui est la troïka construction, préparation. C'est pas une espèce de corporation? Si t'es proche en fait, c'est l'alliance de 3 personnalités politiques ou militaires ou 3 parties de poids égal s'unissent pour diriger. En fait, ce mot l'a entendu plus récemment parce que la Troïka désigne l'alliance de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du Fonds Monétaire International pour superviser les plans de sauvetage des pays. Si vous dites tout pas, non, mais dire des conneries. C'est tellement gratuit. Et pour notre dernier mot de vocabulaire, après je vous ferai une petite liste de pays sur un vidéo. Le stakhanovisme. Ah, bah c'est la vente sur le travail là. Non, c'est parce que Stakhanov, en fait, il avait battu un record de. Non, c'est pas ça, moi je parle. C'est un mec qui travaillait beaucoup, du coup. Ouais, c'est un mec qui fait une propagande sur le fait qu'il fallait travailler beaucoup. Exactement. Et regardez, lui il se défonce au travail, il fait comme nous pour aller à la mère patrie. La mère patrie. Jamais de le nez. Alors. Oui, la fleur, le fusil. Allez, César. Et maintenant, on va faire un petit topo rapide sur les pays qui ont été communistes. Et pour commencer, on va faire les pays qui le sont encore. Hein. Ouais. Donc, on la a. La Bretagne. La Corée du Nord. Depuis 1940. Non. Il me semble qu'ils sont un peu communistes. Si peu. Voilà. Donc, la République populaire de Chine. 1949. Derrière, on avait la République sociale du Congo. Vietnam. Vietnam, voilà. Ah bah, je dis une seule étoile. Hein. C'est vrai. Le Laos. Le Cambodge. Capitale, Vientiane. Voilà. Et Cuba. Ah, c'est là le capitale. Cuba. La Havane. Ouais. Ouais. Et après, comme pays, on avait eu, qui était le pays coco, on avait eu donc la République populaire mongole. Ah ouais. Ouais. la République soviétique un peu chinoise. Ils sont coco dans l'esprit, les Mongols encore. Ouais. Avec leur commerce du coton. En forme d'avis, ouais. La République soviétique chinoise, voilà, parce que c'était l'ancien nom de la République populaire. Après, on avait eu la République démocratique populaire du Yémen. Yeah. Bon, maintenant ils sont dans la merde. Hein. Quoi. On a le on avait le Cambodge aussi. David, il fait des blagues à la lycée maintenant. On avait un pays, on l'oublie aussi souvent, mais c'était aussi la République démocratique d'Afghanistan. Mmh. Ah ouais. Je savais pas qu'il avait été de 78 à 90. Et ça les a pas empêchés de se coller une bonne peignée en 80 avec les Russes. Ouais. Ils sont vraiment cons ces Arabes. C'est mal foutu quand même. Après, on avait la République populaire de Tanoutoua. Tu noteras qu'elles sont toutes populaires. Oui. Mmh. Hein? Ouais. Ou démocratiques. Comme les chansons de Johnny Hallyday. Si c'est pas de la novlangue, ça aussi. Ouais. Et ça, et derrière, là, on arrive, finalement, je pensais pas qu'il y en avait tant, on en arrive à l'Afrique. Alors, il y avait la République démocratique de Somalie. Mmh. Il y avait. On avait la République populaire d'Angola. Ouais. Les Portugais par les coucous. Les Portugais par les coucous. Ouais, mais après, il y avait toute une stratégie soviétique. Oui, aussi. Pour essayer de prendre des pays qui sont proches des mers par rapport à Cuba pour mettre en place des carrefours commerciaux. Tout. Quasiment tout s'est effondré avec la chute de l'URSS de toute façon. Là. La République populaire du Mozambique. Ouais. La République populaire du Congo. Ouais. Ça, c'est marrant parce que même les Belges s'y sont mis. T'as vu C'est pas mal quand même. La République populaire du Bénin. Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est Bénin. Voilà. La République démocratique populaire d'Éthiopie. Pas de blague là-dessus. Non, c'est à peu près comme leur régime alimentaire, il n'y a rien à dire. Et la République aussi démocratique de Madagascar. Et après, eh ben pour le. Je crois qu'il y en a quand même 8. Je crois qu'il y en a 4. Et tout ça, ça s'est cassé la gueule. Quoi. Ah, mais tout s'est cassé la gueule, là, je suis numéro 1 de toute façon. Vas-y, hein. Zemazongo. Bah, je sais pas, apparemment, je vais avoir plein d'invités chez moi au mois de mars. Ah oui, on peut venir. Ah, mais si vous voulez. Ouais, mais on a nos lits réservés, hein, du coup. Ah oui, vous avez vos lits. Et après, ça n'a pas duré longtemps, mais il y a eu le gouvernement révolutionnaire populaire de la Grenade. Ah ouais. Ah ouais. Ça a duré de 79 à 83. Ça a explosé très vite. Ouais, c'est pas si tu veux dire. Attends, un bon jingle en retard. J'ai pas mes écoutes. Non mais il faut que je le retrouve et je sais pas. Voilà, c'était. Et c'est marrant, tu nous as pas parlé de la Roumanie, tu nous as pas parlé de la Tchécoslovaquie. Ouais, mais j'ai tout bien fait. Oui, il a fait domino et. Alors, Ceausescu, c'était marrant quand il est tombé en arrière là. Il a pas vu toi en direct à la télé. Ah non, ah oui, c'est vrai, putain, oui. Ceausescu. Ah ouais, le mangeur d'enfants. Ouais, ben ouais, avec son gros nez, ses grandes dents. Mais oui, et tous les régimes satellites dans les Balkans et tout. Mais oui, merde. Non, ça c'est bâclé, mon petit Gandalf. Je suis désolé, je suis pas content là. Ça, 8 sur 20. 8 sur 20. J'avais la note de 8. Ouais, non, voilà, donc c'était pour. Vous c'était très bien. Moi j'ai bien aimé. Et recommence jamais. Voilà. Donc maintenant. On va avoir un peu de culture dans cette émission. Voilà, exactement. Et maintenant on rappellera que les communistes, c'est des gens qui. Comme c'est des gens très bien. Qui, comme tout le monde, regarde sont sur internet. Que les communistes sont des gens avant tout. Voilà, avant tout. Qui tuent facho. Voilà. Facho. Oh, oui, bien sûr. Tout le monde il est facho. Tout le monde il est facho. Tout le monde est facho. Ça, c'est Zazie, ça. Ouais. C'est pas Zizou, hein. Ah, c'est pas Zizou. Ouais. Marquez. Zazie, s'il fallait qu'elle muscle son jeu, franchement. Il serait mal barré. Il serait les autres. Il son jeu. Entre son perrier. Ouais. Bref, du coup, on va pouvoir passer à la question aux invités. Ah, voilà. Ah, il faut que... Avec un petit jingle, si je le retrouve. Je sais pas si j'avais un jingle. Non. Des écouteurs ou jingle, jingle invité. Bon, ouais. Voilà, hop, jingle invité. Faut des écouteurs ou pas? Non. Ok, je crois que c'est marrant, il me semblait déjà avoir entendu celui-là. Oui, c'est le jingle invité, c'est pour ça. Je veux savoir plus si... Allez, viens. On va manger des chips. Non. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Alors du coup, vous allez choisir un nombre entre 1 et 90. Chacun votre tour. Okay. Et on va commencer par Noé. Donc derrière cette question, derrière ce numéro, il y a une question et il faut répondre à une question posée par Randall Flagg d'ailleurs. Ouais, il y en a quelques-unes de Randall et il y en a d'autres. Ça dépend des questions. Le numéro 52. Alors 52. Numéro 52. C'est une question de Randall Flagg. Yeah, franchement. Est-ce que les ouvriers de chez Lipton font une pause café? Mais bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a encore des usines de chez Lipton? Parce que les dernières en France, elles étaient pas belles. Pépé. Ouais. Donc pas la 52. Bah la 53. Ah bah, oh, bah c'est Randall aussi. Ouais. Donc pourquoi la nourriture pour chat n'a pas le goût de souris? Ben, c'est ça, c'est les questions à la flag. Ouais. On dirait un bouquin de Laurent Baffy. Je sais pas, on dirait un truc de... Bon, bah ben, je sais pas, parce que je sais pas, c'est pas bon. D'accord. C'est pas bon. C'est ça la rubrique? Oui. Ok. Oh, oh, la déception dans la voix. Il y en a 88 autres. Vivement les deux prochaines sessions. Ça m'a valait le coup que je fasse 600 bornes. Bon, on y va, les gars. Termine ma Gwen Stefaner et on y va. Et du coup, on va passer au quiz de Gwen Stefani de Asto. Parce qu'elle est belle. Il n'y a pas de doute. No doubt. Alors, un petit quiz que j'ai intitulé « Qui est-ce ?» Marie-Ange Nardine. J'ai préparé quelques questions. Marie-Ange Nardine. Qui est qui? Nardine. Marie-Ange Nardine. Nardine Morano. Va me chercher Nardine. Voilà, alors hop, on va compter les points hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hop. Si j'arrive à poser mon carnet quelque part. Donc, tac, Azertov, Noé, Toucheux, Eurantor, Gandalf et le chat. Si quelqu'un surveille le chat. Je. Presque. Ouais. Alors, je fais une thématique pour changer. C'est vrai? Sur le Japon, pour changer. Pour changer, exactement. Oh, sur les animés, pour changer. Non! Sur les mangas! Ah! Attache-moi! Pour répondre, on lève la main ou on gueule? Vous gueulez la réponse. Ok, ça marche. En gros, je vais vous poser une question qui va commencer par quel est le nom de un personnage, un truc comme ça, tiré d'un manga. À vous de me donner la réponse. Voilà, ça devrait aller relativement vite. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai quelques indices éventuellement pour vous aider à trouver plus rapidement le nom que je cherche. Et on va commencer de suite par la question numéro 1. Quel est le nom de ce personnage de thriller qui aime beaucoup les sucreries? Elle. Est-ce que tu peux me donner son nom complet? Je te mets le point. Non. C'est celui qui est dans Death Note, mais elle, c'est tout. Elle, c'est qui? Alors, pour avoir son vrai nom, il faut avoir acheté le tome 13, en fait, où il y a un spoil vraiment sur son nom. D'accord. Sur son vrai nom. Moi, j'ai vu que l'anime, enfin, que les épisodes, et je sais pas si c'est donné dedans. Non, c'est dans le. Donc, je pouvais pas savoir. Même dans le manga, le nom n'est pas donné, il faut vraiment acheter le tome 13 qui est le bonus. Donc son vrai prénom. Je suis pas Fanny, quoi. Sur un quiz d'Asto, je suis pas Fanny. Franchement, ça se fait. Je cherche la bière. Son vrai prénom étant Lowliet. Lowliet. L-A-W-L-I-E-T. Liet 16. Dune. Alors, question numéro 2. Quel est le nom de cette mère que deux jeunes garçons essayent de ressusciter? C'est bien sûr que c'est Full Metal Alchemist, mais bon. Bah, c'est maman. Non, Momo. Maman San. C'est Momo. Trisha. Trisha. Exact. Momo, t'as pris des crêpes où? Un point pour Azertov. On a oublié la pâte à pancakes, je suis vert. J'ai des crêpes où, sinon. Il s'agissait bien sûr de Trisha de Full Metal Alchemist. Trisha, ça m'a pas marqué, ça va. Trisha Macmillan. C'est très bien foutu. Merci, une jolie fête dans mon doc. Quel est le nom de ce garçon très doué en dessin et dont l'oncle était mangaka? Oh putain. Donc, ça c'est Bakuman, mais je l'ai pas encore lu. Donc, le nom de ce garçon très doué en dessin et dont l'oncle était mangaka. Donc c'est Hachi. Merde. Non. Mais putain, les noms des personnages. Là, je sais pas répondre. Tu vois, j'ai pas eu le temps de commencer la série. Yoshiro. Non. C'est bien évidemment Bakuman. Non, donc le nom du dessinateur dans Bakuman, dans le duo de Hashiroji Sensei. Mushita, non, Bakuman. Bakuman. Ou son surnom, si vous avez son surnom. Ils ont un surnom tous les deux. Oui, c'est Ashito. Non, ils se, le duo a un surnom, c'est la concaténation des deux noms. Ouais, mais. C'est pas très Ashiroji. Je fais une shoutane, les gars. Mais après, chacun d'eux se donne un surnom à l'autre. Le duo magique. Donc le dessinateur appelle le scénariste, il l'appelle Shujin, je crois. Je m'en rappelle plus, ça fait longtemps que. Et après, il s'est appelé Saiko et c'est. Mashiro. Moritaka. Moritaka. Bien sûr. Alors, question numéro 4. Quel est le nom de ce chien qui vit à la campagne ? Nemo ! Alors, merde. Hachiko. Un chien qui vit à la campagne ? Un chien qui vit à la campagne. Hachiko. Okja. Sébastien. Kuro. Belle. Non. Boule. Bill. C'est Drobek. Un chien qui vit à la campagne dans un manga d'une madame qui s'appelle Irumura Kawara. Ah oui, c'est le. Un manga qui parle d'agriculture. Ah, Silver Spoon. Ouais. Silver Spoon. Comment s'appelle le chien? Comment s'appelle le chien dans Silver Spoon? Il y a un chien dans Silver Spoon. Attends, je reviens. Je vais aux toilettes. Chut, pas de caca. Là, tu vas faire une crotte de chien ou quoi? Lol. Silver Spoon. Oh. Ouais, sache que. Quoi? Hein? T'as choisi qui? Ah, d'accord. Choisi qui poussait? Qui poussait? Silver Spoon, c'est quoi le truc de l'histoire là? On attend qu'il revienne. C'est Harvest Moon dans manga. Ça parle du monde agricole en fait, c'est le même auteur que Fullmetal Alchemist. Bah voilà, tu vois le chara-design, c'est très bien. Ah, on dirait Diego. Ah non, merde, c'est une marche. C'est un manga qui a été soutenu par le ministère de l'Agriculture français. mais vraiment hyper intéressant, ouais. Comme, c'est super bien. Qui est très intéressant sur le monde, ouais. Le monde agricole. C'est pas du mytho dedans, c'est vraiment, tu sens qu'il y a vraiment. Si je me trompe pas, c'est l'histoire d'un garçon qui fait des études un peu. Des études agraires. Ouais, mais qui arrive un peu par hasard. Tu as cherché le nom du chien qu'il y a là-dedans. Ouais. Tu vas te faire chier quand même des fois. Le nom du chien de Silver Spoon, je l'ai même pas lu, Silver Spoon. Hein. Moi je m'en rappelle même pas. Il s'appelle Vice-président. Ah putain. Oui, maintenant que tu es bon à rien, vice-président. Comme avec Walter. Il s'appelle Vice-président, le chien. Je sais pas si quelqu'un veut checker. Non, tiens, la cuillère d'argent. Bon, alors là, il n'y a pas Wii Wish, donc vous n'allez pas trouver. Quel est le nom de cette sorcière? Sabrina. To love Rururu. De cette sorcière dont... attends, qu'est-ce que j'ai mis? De cette jeune elfe qui utilise le nom d'une sorcière la première fois qu'elle rencontre le héros de l'histoire. Alors, je dirais dans le Palogo Horizon, mais un truc du genre, Sword Art Online. Non. Non. Non, mais si vous l'avez pas vu, du coup, ça va être trop. Ah ouais. C'est dans ReZero. Donc, elle utilise le nom de Satella. Satella. Yeah. Elle utilise le nom de Satella, qui est en fait le nom de la sorcière de l'envie que tout le monde déteste dans le monde où il arrive. La sorcière de l'envie. Alors que c'est pas du tout son vrai nom. Comme de la sorcière de l'envie. La sorcière qui a l'envie. Allez, ça c'est peut-être un peu plus facile. Quel est le nom de cette jeune volleyeuse? Jeanne Azouk. Serge. Bien sûr. Jeanne. Et Serge Ijikawa ou je sais pas quoi. Serge qu'on ne voit plus après l'épisode 1. Ah bon? Parce qu'il s'appelle Serge. Voilà. L'anime s'appelle Jeanne et Serge, mais en fait. Jeanne et Serge. Je vois plus Jeanne. Mais Serge dans. Serge. C'est comme Olivier Tom. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge. Quel est le nom de cette réincarnation de la déesse Athéna? Ah, c'est le chevalier de Zodiac. Bien sûr, mais alors là. Non, bah alors là. Athènes. Non. Artemis. Athémie, comme les baskets. Je cherche le nom de la personne qui se réincarne en Athéna. Une paire de loches. Jean-Jacques Athéna, comme ça. Des slips sales, ça fait un petit gonzesse, hein, putain. J'ai pas du tout le chat. Il y a rien. Il s'en branle. Ouais. Il au singulier d'ailleurs. Non, bien il y a lui. J'arrive pas à choper son nom. C'est bien sûr les chevaliers du Zodiac. Senseiya. Ça s'appelle Saori. Saori, voilà. Oui, putain. C'est Saori Kido qui se réincarne en Athéna. Et oui. Ça Ori. Ça c'est peut-être plus facile. Quel est le nom de cette jeune fille qui peut invoquer des signes du zodiaque? Sakura. Non, c'est pas ça. Ah, Lucie. Lucie. Est-ce que c'est son nom de famille? Pas du tout. Les lapins, c'est gentil. Là. C'est Lucille, bien sûr, c'est dans Fairy Tail. Avec moi, j'étais sur Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Un peu invoqué. Le gosse qui s'est tabassé. Et son famille, et c'est Artphilia. C'est ça? Ouais. C'est série. Ah, d'accord. Quel est le nom de ce gardien surnommé SGGK? Un gardien surnommé SGGK? Saint-Gabriel Goalkeeper? Non, c'est pas... C'est pas dans la Chine. T'as dit quoi? Non, mais j'étais en train de chercher SGGK, Saint-Gabriel Goalkeeper, ça doit pas être dans un... T'en as 2 sur 4. Olivier Tom. Oui, Goalkeeper. Mais c'est pas le nom de... C'est pas le nom de... Merde, comment il s'appelle? Genzo Walter... Ah, Genzo, si, sur sa casquette, c'est marqué Genzo. C'est, donc c'est Tom. Thomas Price. Thomas Price. Oui, c'est Genzo. Genzo. Non, mais parce que... Wakabayashi. Oui, parce qu'en fait, sa casquette, moi, j'ai toujours vu marqué Genzo. Et à l'époque, c'était Walter Zengel, gardien de l'Italie. Je me suis dit, c'est contre japonais. Ils, ils savent même pas faire de la contrefaçon. Ils ont mis Genzo au lieu de mettre Zenga. En fait, il y a que très récemment que j'ai appris que Genzo, en fait, c'était son nom. C'est son nom japonais, en fait. Mais, Et donc, il est sur le Et il n'aurait jamais dit ça. J'aurais pas dit. Super Grit Goalkeeper. Ouais. Super Grit Goalkeeper. Ah, d'accord. Mais qui se la pète un peu quand même. Hein. Quel est le nom de cet archéologue qui fait partie de l'équipage au chapeau de paille? Bah, c'est Groot, tu génial. Non, c'est Nico Robin. C'est quoi? Allez, Nico Robin. C'est une part. Une part. Ah, c'est lui qui a le chapeau de paille? Ah, bah, chapeau de paille. C'est One Piece qui a le chapeau de paille. Luffy the Monkey. D'accord. Luffy the Monkey. Yep. Alors, quel est le nom de ce garçon qui est plongé dans les abysses et qui passe un pacte avec une dénommée Alice? Autant en avait parlé, ça. Mais bien sûr que j'en ai déjà parlé de ça. Ouais, ça, je me rappelle plus. Pas le Taïr, non? Ah, non, je confonds, c'est pas celui-là. Merde. Ça me convient de chose. Donc, ça. J'en ai entendu parler, non? Quel est le nom de ce garçon plongé dans les abysses qui passe un pacte avec une dénommée Alice? Sympa. Non, comme ça. Je se voir. Retrouve plongé dans les abysses pendant une cérémonie ou. Ah, Bibelback. Non, pas du tout. Oh, Bibelbrock. Hein, je sais pas. Au début, j'ai cru que t'avais raison. Il passe un pacte avec cette dénommée Alice pour sortir de l'abysse et revenir dans son monde. Et en fait, lui, il a passé que quelques minutes dans l'abysse et en fait, il revient des années plus tard dans son monde. Tout le monde a grandi. Non, je vois pas du tout. Il se bat, il se bat avec, contre d'autres gens qui ont également ce qu'ils appellent des chains, c'est-à-dire des gens qui ont passé des pactes avec des personnes dans l'abysse. Oh, Pandora Earth. Pandora Earth. Ouais, Pandora Earth. Donc c'est Os Vesalius. Donc, Os Vesalius. Pandora Earth. Quel est le nom de ce garde du corps, nettoyeur, chasseur de primes, détective privé? Et qui a un point Trigger. Faible, les jolies filles. Nicky Larson. Nicky Larson, City Hunter. City Hunter. Donc Nicky Larson. Ah, tu veux le nom Ah, bah oui. Ah, putain. J'attends le Il nom. Il veut quoi? Le nom. Le nom en VO. Ah, ouais, je le rappelle. Laurent Doucet. Laurent Doucet. Laurent Doucet. Non, c'est. Bien fait de voir les jolies filles. Non, mais c'est ton avatar. Je sais. Alors ça, je sais pas. Ah, on a Cubertoy sur le chat, alors bonjour David. Je peux... Oui, tu peux, Laurent. Qui c'est qui m'a dit qui m'a David dit, a ouvert 4 pages différentes. Non, mais il change à chaque fois son nom avant qu'il y ait eu public. Non, mais qui c'est qui m'a dit du coup Nicky Larson. Nicky Larson. Pau Moretti. Je crois qu'on l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps, mais je veux bien la donner à Asie, moi ça me dérange pas. Hein. Dupont Moretti. Son nom en VO c'est Ryo Saiba. Oui, Ryo Saiba, mais oui. Ryo Saiba. Quel est le nom de cette super héroïne en devenir à l'apparence de grenouille? Ah, c'est dans My Hero Academia, ça. Oui, c'est dans My Hero Academia. C'est, si tu me donnes son nom de super héros, ça me va. Bah, je sais pas, moi je le disais en trad français. Alors t'as... Je sais pas, mais mérite. Pense à un vieux jeu avec une grenouille. Ah, Frogger ou un truc comme ça. Frogger. Frogger. Ça commence pareil, mais. Lady Frog. Il est en train de tuer le chat. Pardon. Il s'est renommé en Tata Tocheux. Il a marqué je suis une vieille. Tata, je me dénomme. Tout le monde est dans la voiture de toucher. Et mais putain, mais. Et il est en forme, le petit. Mais je sais pas son nom, parce qu'il y a des fans de. Fandom autour d'elle. Ouais. Mais je vois Floppy. Floppy, ouais. Disque. Voilà. Ah, mais Floppy, on l'avait aussi dans Dr. Slump. Professeur Slump. Oui. Le petit robot de la gamine, il s'appelait Floppy. Ah, allez. Donc, son vrai nom, c'est Tsuyu Asui. Mais c'est Floppy, son nom de super-héros. Donc, question suivante. Quel est le nom de ce professeur inventeur qui a créé une androïde du nom de Harley? Justement. Ah bah, c'est Dr. Slump. C'est Dr. Slump, effectivement. Merci. C'est Noriaki. Ah, de rien, les gars. Je te mets le point parce que c'est Dr. Noriaki et pas Dr. Slump. Et c'est quoi le prénom? Il y a un message pour toi, Floppy. C'est quoi, c'est avec un G, non? Ah, j'ai que Dr. Norimaki, moi. Ah, je connais pas. T'es un très bon Dr. Slump. Moi, ça me faisait bien marrer, Dr. Slump. Enfin, un professeur Slump. Alors, quel est le nom de cet enfant puissant mutant au pouvoir psychique? Psycho. Ça aurait pu, mais c'est puissant pas. Enfant au pouvoir au psychique. Pouvoir psychique. Dans Monster, non, c'est pas Monster, il n'y a pas de pouvoir. Pouvoir psychique, je sais pas. Comment il s'appelait dans Avatar? C'est Akira, c'est Akira. Non. C'est Akira. Mais ah, bah ça, je pouvais pas. J'ai pas été jusqu'au bout. Akira, il est pas mutant. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. J'ai le personnage d'Akira qui. Enfin, moi j'ai dit Akira. Si. Bah si, il a un Akira. Mais si, c'est un mutant d'après. C'est un mutant. Oui. Parce qu'il le traficote après. Tetsuo. Oui, mais c'est Tetsuo, c'est pas Akira. Qui devient mutant. Ah oui. Ah, ouais, Tetsuo alors. Qui a des pouvoirs psychiques. Voilà. Le petit enfant dans Akira. Un enfant qui a des pouvoirs psychiques dans Akira, c'est tout. Bah, c'est Akira. Voilà. Ouais, ça passe. Quel est le nom de ce personnage qui doit épouser Akane pour l'union de deux écoles d'arts martiaux? Ranma 1/2. Oui, Ranma. Ranma 1/2. Moitié soleil. Moi, nuit. Je prends ma pinte et c'est fini. Quel est le nom de cet aventurier muni d'un psycho-gun combattant des pirates? Cobra. Ah oui. Bon, il y a égalité, je vous mets un point tous les deux. C'est Cobra. Et quand il tue l'homme de verre? C'est effectivement. T'as jamais vu ça? Parce qu'en fait, son plus grand ennemi à Cobra, c'est l'homme de verre. Et quand il tire à travers, ça passe pas. Franchement, vous auriez pu le faire en chanson. Hein. C'est Cobra. Ah, comment ça va? Alors du coup, comme il peut pas le tuer, qu'est-ce qu'il fait? Il remet sa prothèse, il tire, là, comme c'est, il fait rocket punch, et là, bam. Et d'ailleurs, là, te cache, que des statues à la con, il y a une belle statue de l'homme de l'homme de verre avec le poing, tu peux mettre le poing à l'intérieur. Et non, rentre en soi. Voilà, rentre en soi. Quel est le nom de ce personnage né en étant extirpé des entrailles de sa mère morte pendue? Ça c'est glauque. Ken. Je sais pas, mais il part avec un handicap dans la vie. Ken le survivant. Non, les parents, ils ont. Non. Sa mère, elle est morte pendue et elle était enceinte, du coup. Et il est né. Ouais, ils l'ont éventré. C'est pas dans Monster, du coup? Non, Guts. C'est Guts. Dans Berserk. Dans Berserk. J'avais un mot parce que j'ai pas vu. Et Guts, ça veut dire entraille. Mmh. Ah ouais. En anglais, ça veut dire entraille. La série qui finira jamais. Non, on est tout en pause. Ouais, c'est ça. Quel est le nom de ce riche seigneur anglais? De ce fils d'un riche seigneur anglais? Ah, c'est dans. Oui, et dont la mère est morte dans un accident de voiture. Oh, putain. Princesse Tara. Non. Mais non. Non, mais je vais refaire la question. Mais non, c'est celui le qui fils a. Le fils d'un riche seigneur anglais celui... dont la mère est morte dans un accident de voiture. C'est celui qui a un démon. Qu'a Sébastien comme majordome. C'est Black Butler. C'est pas c'est du tout ciel Phantom Hive. Ah, c'est pas Black Butler? Non, c'est pas Black Butler. Ah, j'en ai cru. C'est pas le mec de Jojo? Attends, vas-y, refais. Jonathan Joestar. Ah, oui. Après, je savais pas que sa mère était devant, tu vois. Bah ouais, dans sa Ben Benson. Dans sa Ben Benson. Jonathan Joestar de Jojo's Bizarre Adventure. Tout simplement. C'est moi avec Jojo, c'est Quel est... Alors là, c'est ultra facile, attention, préparez-vous. Quel est le nom de cet ancien chef de gang aujourd'hui professeur? Onizuka. Ikichi Onizuka, voilà. Bon, là clairement, c'est celui qui a la réponse la plus précise. Voilà. C'est ça. GTO, Great Teacher Onizuka. Eh oui, bah oui, putain. Quel est le nom de ce personnage pour pouvoir se transformer en tigre ailé et dans sa maîtresse à réunir les cartes de Claude? Animal. Ah, mais Sakura. Moi, c'est un Sakura Captor, mais c'est comment il s'appelle, ce merde? Je veux pas Sakura, moi, je veux le nom du personnage qui peut se transformer en tigre ailé. Oui, c'est ça, le petit zigouigoui avec des ailes. Bah oui. Qui voilà, mais je sais pas. Bah, le petit zigouigoui avait des ailes. Comment il s'appelle, le tigre musclor? Oh, putain. Manimal. Non, il a dit... Non, vous n'avez pas le nom du petit personnage? Non, je me rappelle quoi? Bourbif? Non, c'est Bourbif. Ulu? Non, je l'ai pas. Kéroberos. Mais oui, Kéro. Bah, j'aurais jamais eu. Kérobero. Kéroberu? Kéroberu. Ouais, on était sur le communisme, c'était un rapport. Quel est le nom de ce personnage qui se retrouve un peu malgré lui gérant d'un pensionnat pour filles? Ah, mais ça, c'est dans. De Lovani. Lovina. C'est Lovina, ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est le nom du personnage, est-ce que vous l'avez ou pas? Non, non. Kenshi le vagabond. Le nom John. Smith. John Smith. Ah non, pas Kenshi le vagabond, l'auteur, c'est un pédophile. John Doe. C'est presque John Smith, c'est Keitaro Uwashima. Ouais, c'était pas loin. À une quinzaine de lettres près, on y est. T'es sympa, tu mets un demi-point. Vraiment à côté. Un demi-point, hop. Et je sais même pas pourquoi j'ai pas pensé, tu vois. Quel est le nom de ce roi du. Quel est le nom de ce roi du rebond, voyou et impopulaire? C'est Shohoku. Hein? J'ai Shohoku. Quel est le nom de ce roi du rebond, voyou et impopulaire du lycée Shohoku? Ryu. Saeba, non. Kuroko. C'est pas City Hunter. Non. Kuroko. Il y a des gens qui ont déjà balancé le nom du truc, hein, donc. C'est dans Slam Dunk. C'est Slam Dunk. Je connais pas les personnages. Ah, mais je le connais pas. Donc. Je connais que Slam Jam. To the ground in the rain to the Anamichi ground. Sakuragi de Slam Dunk. Tu m'aurais dit un autre nom, j'aurais fait pareil. Ah. Quel est le nom de ce personnage qui meurt avec son ami d'enfance en sauvant un. Ah, c'est Gant ça. C'est, mais je connais pas les personnages. Quel est le nom de ce personnage? Kurono Kei. Kurono Kei, ouais. Voilà. Ah, j'avais le bon Kurono Kei de voiture. L'animé, quoi, en sauvant un clochard comme une référence. J'ai pensé que c'était Kurono Kei et l'autre, ah ouais, c'est Masharu, Masaru. Masaru, je sais plus comment. C'est Masaru. Merde. Allez. C'est moche. J'ai failli dire un connerie. Une question facile. Quel est le nom de ce chauve beaucoup trop fort? Bah, c'est Saitama. C'est Waterproof. Bien sûr, c'est Saitama. Waterproof. 17 points pour. Ah, voilà, tu vois. T'as gagné. T'as j'ai marqué la game. 17 points et un fist. Ouais. One punch. Bah oui, du coup, Iron Fist. Quel est le nom de ce personnage du bataillon d'exploration dont les parents ont été assassinés par des trafiquants d'êtres humains? Ça peut être n'importe qui, hein. Merde. Attends, bataillon d'exploration, c'est un. Mais ça c'est l'attaque. Ça c'est la. Ça c'est Yugi Jinjin. Shinichi. C'est l'attaque. Non. Konikada. Voilà. Dès c'est dessus. Bataillon d'exploration, c'est l'attaque des titans. La légende de. Est-ce que c'est le blond qu'on se sert dans les quiz de Chihuahua ou c'est l'autre? Non, c'est pas Ramin. Ah, c'est pas Ramin. C'est pas Ramin. De toute façon, j'avais plus son nom plus. Non, donnez-moi juste son prénom, ça me va, hein. Oh mon dieu, moi. L'attaque des titans. Le seul personnage féminin que tout le monde connaît son prénom. Ah, la blonde. Mais non, elle est pas du tout blonde. Ah non, c'est un blond qui est blond. On parle de l'attaque des titans. On parle de l'attaque des titans. Ouais. La blonde. La blonde. Non, pas blonde. Un personnage du bataillon d'exploration dont les parents ont été assassinés par des trafiquants d'êtres humains. Bah c'est pas là. Alors qu'ils auraient été. Le nom, je sais pas. Alors qu'ils auraient été tués par le Gorak. Mais non, mais je le vois bien, mais je. Ils auraient été tués. Je connais absolument pas l'attaque des titans, mais je connais le nom de ce personnage. Ah ouais? Je peux te faire le générique. Moi j'ai adoré l'attaque des titans, mais le nom des personnages, même le nom du personnage principal, personne, je m'en souviens même pas, tu vois. Tant pis. Misaka. Ah, Misaka, bah oui. Bah oui, tu dis oui. On dirait un peu la. Encore une fois, t'aurais dit autre chose. Ackerman. Ackerman, de son nom de famille, Misaka Ackerman. Exact. Quel est le nom de cet étudiant en littérature japonaise qui voit son destin basculer suite à un rendez-vous amoureux qui tourne mal? Franck. On est en rendez-vous amoureux, ça tourne mal. C'est surtout il c'est tourne très très mal son rendez-vous amoureux. Spoiler, ça tourne très très pas mal. Dans ce il meurt, non? Non. Summer War. Non. C'est pas ça. Ah, c'est pas le truc avec les ghouls? Non, pas Summer c'est War. C'est pas ça, Tokyo non Ghoul. Un truc. Ouais, non Tokyo Ghoul, ouais. Ouais. Ah, Tokyo Ghoul. Moi je connais que le rendez-vous amoureux qui tourne mal, ouais, c'est Tokyo Ghoul. En fait, il s'est fait mordre à la saucisse. Ah non, pas la saucisse. Rendez-vous amoureux, il se fait bouffer quoi. Donc. Mais. Ça te plairait toi, quand même. Un rendez-vous amoureux, tu te fais bouffer, franchement. Si elle commence par la queue, ça me suffit. Du coup, personne ne l'a, Tokyo Ghoul. Non, moi je l'ai pas. Non, j'aurais pas non plus. Ken Kaneki. Qui? Ken Kaneki. Kan? Qui? Et qui? Quel est le nom de ce tenancier de taverne, Dragon de la Colère? Hein ah, c'est Seven Deadly Sins, c'est putain comment il s'appelle? Oh non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est ça. C'est Seven Deadly Sins, oui. Mais oui, c'est lui le personnage principal. Et c'est ben le dragon oui. De la colère, c'est le premier péché capital. C'est le ben dragon. Oui. C'est le tenancier de bar. Oui. Ah merde. Thénardier. Thénardier. Thénardier, c'est ça. Il a un nom qui fait très mage. Le Thénardier bar. Merlin, elle est gaulée, mais alors, franchement, nickel. Sa copine aussi, sa, la fille du roi. Le Thénardier bar. Mais alors lui, putain, comment il s'appelle? Ouais. J'invoque la première lettre. Valjean. La première lettre, c'est un M. Méliodas. Méliodas. Cosette. Cosette. Je suis tombé par terre. C'est la vôtre à Polter. C'est la mienne. Quel est le nom de ce garçon au prénom de fraise qui peut voir les fantômes? Ichigo. Raspberry Peach. C'est dans le but, c'est Ichigo 100%. Raspberry Pea. Non, Ichigo. Fraise, en fait. Ichigo, c'est comme ça, ça fait fraise. Ichigo Raspberry. Strawberry, mais c'est... Comme je vous ai déjà dit qu'il y a des fraises, on saurait son nom de famille, s'il vous plaît. Je sais plus. Des bois. C'est dans quel manga? C'est Bleach. Oui, c'est Bleach. Bleu H. Bleu H. Ichigo, Ichigo. Nous, ça va. Oh, Ichigo, Ichigo, Ichigo. Ichigo Kurosaki. Pas du tout, les lapins. Qui? Il fait une Kurosaki. Quel est le nom de ce cyborg en piteux état que Daisuke Ido retrouve et répare pour lui donner une nouvelle vie? C'est dans Chobits? Non. Chobits, ça c'est un joli nom, Chobits. C'était pour Wish aussi, mais bon, il y a pas Chobits, c'est à moitié des robots. Non, la connaissance s'arrête là. C'est dans Gun. Ah oui. Gun d'amour. C'est la fille de Gun, en fait, la personne de Gun qui s'appelle Gali. Gali. Et pas Gami. Quel est le nom de cette adolescente qui, pendant les vacances scolaires, part à la recherche des boules étoilées pour réaliser son vœu le plus cher? C'est Bulma. Ouais. Les boules du dragon. Et son vœu le plus cher étant de rencontrer un joli garçon. Ouais. C'est fait que ça. Et attendre sur Tortue Géniale. Franchement. Bulma, la scène de la si t'analyses bien le truc, franchement. Attends sur Olong. On en est déjà à la dernière question. Déjà ? Oui, attends. Putain, t'as fait vite. Quand on s'amuse. Après, si vous en avez. Du coup, tu restes ? Si vous en avez à improviser, allez-y. Faut t'aille au Fox en plus. Quel est le nom de ce membre du clan Uchiha ? Sasuke ! Et solitaire. Ah non, c'est son frère, c'est. Qui souhaite venger l'extermination de son clan, c'est Sasuke, évidemment. Eh ouais, Team Sasuke. Et on est dans quoi, là? Sharingan. Dans Naruto. Sharingan. Sharingan. Sharlingals. Sharlingals. Sharingan, c'est quoi? Quoi? La petite légende dans le pré. Dans les yeux, Sasuke. C'est les mêmes cordes, parce que j'avais un mec avec qui je jouais sur console. Et son pseudo, c'était Sharingan, mais j'ai jamais compris ce que c'est. Comment il s'appelle déjà? Tu sais, le maître de Naruto et de Sasuke au début qui a le Sharingan, justement, c'est Kakashi. Ouais, Shichenche. Kakashi est partout. Kakashi. Ah, bien joué. C'est bon, Gandalf fera surface. C'est comme Yamakashi. Alors, les scores, c'est quand même assez serré. Voilà. Mais, c'est moi qui ai gagné. Il y a un vainqueur. Qui a gagné quoi? Dis que c'est moi. Si je l'ai. Rien du tout. toute notre estime. J'imagine, je gagne un quiz d'Asto. Tout votre estime, tout votre constime. Non, mais c'est un cadeau, ça. Ah ouais, ça me ferait chier, j'ai 140 jeux. Je suis désolé, mais c'est Azertov qui gagne avec 7 points. Merde. Deuxième, Péremptoire avec 6 points et demi. Non, c'est pas possible. Eh, avec le demi-point, t'es à 6,5, il est à 7. Ouais, ouais. Ah, j'ai bien fait de camembert. Barney, moi je sais pas, j'aurais demandé un point. J'ai 6 points. 6 points et demi. Toshu, t'as 5 points. Eh, quand même, Et Noé et Gandalf à égalité avec 2 points. 2 points. Ouais, mais 2 points de mesure. Ouais. Et ben voilà, du coup, c'est tout pour moi. Ah, ben c'était très bien, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'était plus court que le blind test de l'infini. Ouais, je confirme. Ah, c'est vrai que c'était copieux la dernière fois. Ah, j'avais. La c'était dernière fois, j'avais copieux, mais comme un buffet chinois, tu vois. Et plus fainéant. C'était un peu surgelé. Ah, un pec. Le très bon ce clou pipo. Hein. Ouais, très bon. Ouais. Ah, oui, il faut que j'en reprenne un peu d'ailleurs, tiens. Et bah hop, il est pas loin. Un peu de clopipo. On voit ton nom. Bah du coup, on va se terminer ça. On va se terminer sur la table, sur la moumoute. On va se terminer ça tout de suite. Et on va s'écouter une petite bonheur. Musique. Donc juste avant, on va écouter le jungle. En ce temps-là, Jésus dit à Matthieu, descend du train et gonfle les pneus. Et maintenant, chantons. Et donc, pour faire un petit peu le lien avec une certaine carte blanche qui a été improvisée il y a quelques heures maintenant, On va s'écouter de The Streets, ouh, The Way of the Dodo. Dodo, comme ce soir. C'est ça. A plus. Ali Shots. Salut. Ciao. What now? Everybody know the dodo. Everybody know the dodo. Everybody know the dodo. Everybody know the dodo. Everybody know the dodo. Everybody know. Everyone's got to do the dodo. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. Imagine the day when things have actually faded away, but the day I may not be able to pay my way could be today. It's not that I don't care, just that I'm way too caught up breathing air to grieve for the trees and air, or how breathable air is. You go first, I'll follow suit. Make your mistakes, I'll copy, mate. I'm right behind you, but don't expect me to ride like it's a race, cause you'll be back there picking scraps while I miss the mug. Do good in round and I've lost my rank and place. I've got to manage my little space. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. I'm not a stereotypical gimme what I want when I want it with a big cherry on it. I'm just another brother trying to love my son and mother. Providing for my wife is the vibe I'm on in life. I might well starve, that's what would happen if I started off this march. It's not my world, but I'm in it to win it. Put it in the bin if you wish it. Listen, let's all start at the same point. Following rules, equally losing. Tell me if it does, I wish it'd be true, but never gonna happen, we're not equal. For the kids, let's make the rules. But I saw the film and hated the sequel. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. Follow me, what is it? I can do the dodo. Everybody do the dodo. You and me are family. Pass the love around and back to me. Two and three, that's the feeling. Scrabble for the top, for the bottom of the ceiling. Conspiracy theories, we all hear these. We all see the deal. We will seal the deal. If you don't know where you're going, any road will take you there. If you don't know where you're going, then any road will take you there. If you don't know where you're going, then any road will take you there. We do not know where we're going. Any road. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. It's not Earth that's in trouble. It's the people that live on it. No, no, Earth will be here long after we've all gone the way of the dodo. Right, this is my wings, this is my beak.